Voilà, donc on va commencer par relire ce qu'on avait déjà fait comme proposition lors de précédents ateliers sur le thème justement de l'éducation citoyenne. Et à partir de là, on pourra continuer sur le débat et les autres idées que vous voudrez rajouter. Donc tous ceux qui souhaitent venir participer, je vous invite vraiment à vous rapprocher pour qu'on puisse commencer à faire un petit cercle de réflexion. Allô, allô. Ok. Donc, je vais commencer par redire ce qui avait déjà été dit par rapport à l'éducation citoyenne et on va partir de ça ensuite pour poursuivre le débat. Est-ce que vous m'entendez bien avec la musique derrière ? Oui, c'est bon. Donc, on avait dit mettre en avant les vérités cachées de l'histoire et développer l'esprit critique plutôt que la soumission à l'autorité, donc l'autorité de l'enseignant, déconstruire nos représentations. Ensuite, faire un enseignement du rôle et devoir du citoyen avec l'histoire. Ensuite, faire tourner la parole avec un enseignant qui aura seulement le rôle de modérateur. Donc pour certaines heures, par exemple dans la semaine, les enfants posent des questions et y répondent ensemble. Former les enseignants à une autre relation à l'autorité. Supprimer les notes et la concurrence, favoriser l'entraide, apprendre à partager. Il y avait encore apprendre les histoires des religions et les enjeux de pouvoir qui leur sont associés. Et enfin, le peuple doit décider des orientations scientifiques et demeurer le garant de l'éthique. Alors ça, je ne sais pas si on le mettra toujours dans le devenir citoyen, mais l'idée de cet axe, c'est en gros qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants dans la société qu'on essaye d'inventer ici. On veut qu'ils évoluent dans quel cadre, qu'ils aient accès à quoi, qu'est-ce qu'on imagine leur proposer, que ce soit système scolaire ou quelque chose de complètement différent, comme système de partage et d'échange. Donc voilà, j'ouvre le débat et n'hésitez pas à vous lever la main, je vous donne la parole et puis comme ça on lance le débat sur quelle société veut-on, je dirais, donc pour nos enfants après. Voilà, donc si quelqu'un souhaite commencer. Ouais, pour nos enfants demain, donc tu as parlé pas mal de professeurs, d'enseignement, donc comment on peut transmettre les choses. Je trouve ça intéressant l'initiative qui fait qu'on passe la parole à des enfants et qu'un prof est là, médiateur, tout ça. Si vous n'en avez pas et si je suis dispo à ces heures-là, pourquoi pas. Et quand tu dis supprimer les notes, bah c'est pas si simple de supprimer les notes à l'école. Par contre, pensez à un autre système de notation. Il faut aussi s'inspirer de ce qui peut se faire ailleurs. Donc des lettres, on a ABCDE, ça c'est aux États-Unis, parfois en Angleterre. C'est peut-être moins choquant que des notes. Voilà, ou quand les enfants sont vraiment jeunes, ça peut être, je sais pas, des étoiles, des choses comme ça. Mais supprimer la notation, je sais pas si c'est vraiment le but et l'objectif. Mais pensez à une autre notation, ça c'est sûr. Je voulais apporter aussi une proposition, enfin une contribution, mais est-ce que je peux rebondir encore sur ce que vient de dire notre copain ? Oui, c'est vrai que c'est un problème de supprimer les notes parce qu'on est dans une société de compétition et de concurrence et qu'à l'intérieur de ce système-là, ils reproduisent et ils ont besoin de reproduire les mêmes schémas que leurs parents quoi, et que la société, quoi. Que de toute façon, moi j'ai observé, j'étais parent d'élèves de nombreuses fois, c'est d'ailleurs une de mes premières militances, j'ai observé que de toute façon, si on leur met pas les notes, les mômes les traduisent en termes de notes. Quand on leur donne des évaluations, qu'on leur dit bien que c'est une évaluation, ils se sentent mauvais quand par exemple l'évaluation n'est pas positive. Donc bon. Mais sinon, moi je pense par rapport à ça, pour l'avoir observé, avoir été parent d'élève dans une école qui s'appelle le CEPMO, qui fait partie d'un projet mis en place au moment de la première mandature et du tout début de la mandature de François Mitterrand, par un monsieur qui s'appelait Savary, avec le frère de Cohn-Bendit, qui s'appelle Jean-Michel Cohn-Bendit, et qui avait lancé des lycées expérimentaux. Il se trouve qu'en France, bizarrement, ils sont toujours expérimentaux, que l'expérience qui en est sortie n'a été que peu reprise, alors que ça a permis à beaucoup de gens de passer le cap difficile du refus de l'école, par exemple. À l'intérieur de ça, il y avait une chose qui était intéressante, c'est que c'était les enfants, les élèves eux-mêmes, qui s'évaluaient. Et on s'aperçoit dans toutes les réunions où j'ai été pendant les 3 ans, qu'ils sont d'une dureté et d'une lucidité avec eux-mêmes extraordinaire. Et que c'était alors à ce moment-là au professeur, c'était intéressant, parce que c'était au professeur de leur faire mettre le doigt sur les choses positives qu'ils avaient réussi à faire. Et le rapport s'inversait, quoi. C'est les enfants qui se notaient, et c'est les profs qui... Bon, voilà. Oui, non, juste pour redire un petit peu le principe de l'atelier, c'est on peut critiquer la société d'aujourd'hui, en effet, et donc c'est vrai, je suis en train de repenser, là j'avais repris les notes qu'on avait déjà faites du premier atelier, hein. Et donc supprimer les notes en soi, c'est pas dans la société future, en effet, ce serait, puisque si on veut pas qu'il y ait de notes, qu'est-ce qu'on voudrait? Alors déjà, est-ce qu'on voudrait un système d'évaluation? Donc là, c'est un petit peu un atelier utopique, dans le sens où cette société-là, on essaye de la penser de A à Z. Pas à partir de, bien sûr, que notre imaginaire, on va la constituer à partir de là où on en est maintenant, mais on essaye d'inventer quelque chose qui peut-être n'a jamais existé, ou peut-être on peut s'inspirer d'autres choses, mais voilà, en effet. Donc s'il n'y avait pas les notes, s'il n'y avait peut-être pas d'évaluation, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir pour que l'école permette quand même aux enfants de quoi, d'ailleurs, enfin, à quoi sert l'école, d'ailleurs? Oui, bonjour. En fait, je voulais parler au monsieur, et donc je voulais vous expliquer que Moi, je suis dans le monde, je suis avec les enfants et tout ça, c'est un petit peu ma vie, c'est mon travail. Et donc, anecdote et qui m'est arrivée hier, c'est-à-dire qu'on a fait en sorte à ce que les gens corrigent les autres. C'est-à-dire qu'on a échangé les copies et que chacun devait corriger les copies de l'autre. Et puis, moi, j'ai eu... je discutais avec un enfant qui m'a dit non, moi j'ai pas envie. Il m'a dit j'ai pas envie de le juger comme ça, alors qu'il a 11 ans. Il m'a dit j'ai pas envie de juger. Je lui dis imagine que t'es un prof et tout. Il m'a dit je ne suis pas un prof et de toute façon si j'étais prof je serais pas en 6e. Je lui dis bah imagine, je lui dis imagine. Et il m'a dit bah si je devais être prof bah je voudrais que tout le monde fasse ce qu'il veut. Et voilà. Je dis mais non, t'es pas encore prêt pour tout ça. Et je lui dis mais va, tu fais ce qu'on te dit. J'ai commencé à m'énerver, je lui dis mais tu fais ce qu'on te dit et après on en reparle de ça. Il m'a dit ben écoute, il a tout bon. Et puis c'est bon. Et puis voilà, après comment veux-tu? Et donc voilà, ce que j'ai envie de dire, c'est que toi tu parles d'une époque qui n'est pas celle d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça n'est plus les mêmes. Les enfants ne sont plus les mêmes. Faut le savoir. Les enfants, ils veulent plus de pression déjà. Ils ne veulent plus de pression. Ils sont là pour te dire lâche-moi. Ils le disent pas comme ça parce qu'ils n'ont pas le droit d'être grossiers. Mais en gros, ils te disent fous-moi la paix, lâche-moi les couilles. Voilà. Les baskets pour être plus poli. Ah, non, mais il y avait un tour de parole, mais il est parti. Oui, donc parce que comme tu reparles du coup de la société d'aujourd'hui, c'est, encore une fois, voilà, c'est pour reaxer à chaque fois sur l'atelier, c'est du coup dans cette société qu'on voudrait. Comment est-ce qu'on, par rapport à ce que vous avez dit, j'aurais envie d'orienter la question comme ça, mais c'est ma question du coup, hein, c'est pas la vôtre. Hein. C'est comment est-ce qu'on pourrait favoriser la transmission de savoir. Est-ce que c'est possible de favoriser la transmission de savoir sans relation à l'autorité? Ça, je sais pas. Enfin, c'est une question très ouverte, hein, mais c'est une question que je pose, mais vous pouvez en poser d'autres, enfin. Attends, il y avait... Tu avais un... Hein? Attends, je favorise d'abord, comme il n'a pas parlé. Ceux qui ont eu des gosses, ils doivent savoir un peu, quand même. C'est possible, hein. Il y a des choses, un minimum de choses qu'il ne faut pas faire, mais moi j'ai pas dit à mon fils énormément de choses qu'il fallait pas faire. Foutre la salle de bain, de l'eau par terre partout, à part ça, saler. Et ensuite, quand il est devenu un peu plus grand, c'est par échange, en dialoguant, quoi. Ouais, ça marche comme ça. Enfin, je sais pas, et c'est pas une question d'autorité. Il y a parfois des cas, tu arrives pas, tu dois aller à table, tu vois, bouffer. Ils ont envie de faire autre chose, il y a la télé, il y a les copains, bon. Et en fait, ce qui prime dans ce cas-là, c'est que c'est pas une question d'obéissance, c'est être ensemble. Et ils aiment ça, en fait. Ils aiment ça. il n'y a pas trop de problèmes. Hein. C'est pas la télé contre être ensemble. Hein. Ben, tu viens bouffer avec ton copain, avec ta maman, voilà. Et tu mets la table, vous la mettez ensemble, vous faites les trucs ensemble. Et puis il y a une question d'égalité aussi. C'est-à-dire, il participe, tu participes, voilà. Et ça marche. Oui, alors effectivement, rapidement, on veut pouvoir avoir une société sans pression pour les enfants. Parce que c'est vrai que un des pires trucs pour un étudiant, et je trouve pour un prof, c'est d'avoir donc des étudiants qui viennent en cours avec la boule au ventre. Ça commence de la maternelle et puis à bac plus 5, c'est toujours le cas. Donc ça, c'est dramatique. Comment on peut changer ça? Bah oui, il peut avoir une transmission de savoir sans forcément autorité. Aujourd'hui, on a plusieurs formes de transmission du savoir. Donc si on pense au numérique, il n'y a pas forcément d'autorité là-dedans. On apprend, on valide des MOOC, M-O-O-C, donc c'est des cours en ligne qui sont faits par les plus grandes universités du monde. Donc c'est sanctionné à la fin, c'est-à-dire qu'on peut valider ou pas, mais il n'y a pas vraiment d'autorité là-dedans. Et donc grâce au numérique, ce qui peut paraître paradoxal, bah, peut-être moins d'humain, mais donc moins d'autorité. Et puis pour le concret, pour le prof en cours, c'est pas lui qui va pouvoir changer le système. Donc effectivement, si on pense à la notation et que on en a parlé tout à l'heure de certaines écoles expérimentales, il y a des écoles pour enfants, pour jeunes. Bon, je dis le nom, c'est Montessori. C'est une validation des connaissances, une acquisition des connaissances qui est différente. Donc pas forcément avec l'autorité, c'est quelque chose de plus ouvert. Bon, donc voilà, oui, c'est effectivement une société qu'on voudrait. Après, lorsque le jeune homme nous disait que les enfants d'aujourd'hui sont différents et disent « lâche-moi les baskets » par rapport à l'autorité, il faut aussi quand même penser à cette frustration saine qui est de donner un cadre, je dis pas autorité, mais un cadre qui permette de si on veut dépasser ce cadre-là et savoir qu'on transgresse, mais de poser un certain cadre, que ça soit en tant que parent ou en tant qu'institution, en tant que prof. Justement, en parlant du cadre, c'est-à-dire une fois qu'il m'a répondu comme ça, moi je lui dis écoute, c'est vrai, je te comprends, t'en as marre quand te disent fais ci, fais ça, machin, tati, tata. Mais je lui dis, mais t'as pas le choix. Et j'étais pas en accord vraiment avec moi-même, mais je lui dis, t'as pas le choix, il va falloir que tu apprennes. C'est comme ça pour l'instant. Après, on en reparle, voilà. Mais pour l'instant, il va falloir que tu écoutes et que tu fasses et que tu... Mais je n'ai pas dit que moi j'étais pas qu'il m'avait touché par ce qu'il avait dit, parce que moi aussi je suis comme ça. Mais en tout cas, ce qui est bizarre, c'est que même en étant en désaccord et en étant en accord avec lui, je suis obligé de lui dire il faut quand même que tu apprennes. Voilà. Il me semble que sur la forme, on pourrait s'inspirer de l'éducation à la finlandaise. Elle est assez connue là-dessus, où elle est de super bonne qualité. Où l'avantage, c'est que les enfants ne sont pas tués à la tâche. Le matin, ils ont des cours. L'après-midi, c'est d'autres activités du style. Ça peut être de la couture, de l'agriculture. Oui, mais c'est... l'avantage, c'est que déjà cette éducation, elle est connue pour être, elle semble déjà bien meilleure que la française. Donc je pense qu'on pourrait déjà commencer à s'inspirer de ce côté-là. Parce que l'avantage, c'est que l'après-midi, si les enfants font plutôt du sport ou activité, je sais pas quoi, couture, potager, musique, c'est vachement plus détendu, ils sont vachement moins sous pression. Et je pense que dans leur éducation, ça libère beaucoup plus le cerveau, c'est bien mieux pour eux. Donc voilà. Oui, tout à fait, parce qu'en plus, par rapport à la question de l'autorité là-bas, il disait. C'est pas toi ça? Non. Il disait que les enseignants disaient qu'ils jouaient avec les élèves autant qu'ils leur apprenaient des choses, parce qu'ils disaient en France on fait cette erreur de penser qu'en jouant du coup on n'est pas sévère et donc la personne va pas nous respecter. Et justement ils disaient non mais le respect ça peut être dans le jeu, le respect ça n'a rien à voir avec être sévère et avoir une autorité. À partir du moment où l'élève te respecte parce que tu es quelqu'un qui lui apporte des choses, le reste, enfin tout le reste est joué. Et ça je trouvais ça aussi intéressant. Alors il y avait toi. Pour l'anecdote, ce qui est intéressant aussi dans le système finlandais, enfin ce qu'il faut noter dans le système finlandais, c'est qu'ils sont venus beaucoup regarder ce qui s'est fait en France au niveau de la méthode Fresnel, au niveau de Montessori et même au niveau de ce dont je parlais tout à l'heure, les lycées expérimentaux en France. Ça s'est fait il n'y a pas tellement longtemps, les Finlandais. Il faut savoir aussi que c'est un petit pays et qu'ils sont... plus on va au nord, plus j'ai l'impression qu'on accepte la citoyenneté en plus. Partant de là, justement, je me posais la question de la nécessité d'une obligation de résultat à l'école. D'ailleurs, eux, ils la traitent effectivement sur des laps de temps bien plus importants. Il s'agit juste de prendre son temps pour explorer les choses dont on a envie, quoi. Je crois qu'il y a une notion de il n'y a pas forcément de notion d'obligation de résultat. Et puis, je voulais dire un mot sur l'autorité, parce que, bon, donc, comme quelqu'un disait, moi, j'ai des mômes, j'ai commencé par remettre, au départ, dans l'éducation que je leur ai donnée, ils ont 20 et 25 ans, donc 26 ans, parce qu'ils sont pas encore très vieux. Au départ, j'ai voulu me porter en faux contre l'autorité de l'école, avec mon premier fils. Ça a été catastrophique. J'ai voulu aussi ne pas faire preuve d'autorité. Puis d'abord, j'étais tellement formaté à ce système-là que j'ai eu du mal à y arriver. Mais je me suis aperçu qu'aussi l'autorité, elle avait une fonction pour les gens. Alors, est-ce que c'est en rapport avec le système qui est le nôtre et qu'il faudrait changer dans cet autre monde et dont on parle? Mais comme s'ils avaient besoin de s'appuyer, et je dirais même de se confronter et même de rentrer en conflit avec l'autorité, et que ça, c'était, s'il n'y avait pas un endroit, j'allais dire autoritaire, je ne sais pas comment, est-ce qu'il y a une autorité horizontale à inventer, peut-être, mais il y a un besoin de se confronter à ça, quoi. Et que quand ça manque, quand c'est mou, ça les amène pas à frapper plus fort. Mais encore une fois, est-ce que c'est pas des reliquats de notre système, quoi? Mais voilà. Je reprécise juste pour les personnes qui viennent d'arriver que là on est donc dans un atelier EducPop qu'on fait de façon hebdomadaire sur quelle société veut-on. Et aujourd'hui on est sur l'axe quelle société veut-on pour les enfants. Donc on se situe pas quelle société veut-on maintenant pour les enfants, mais dans la société qu'on voudrait construire, qu'est-ce qu'on voudrait pour les enfants. Donc vous avez le droit de rêver, de dire des idées qui n'ont jamais existé, vous avez le droit de sortir des trucs, voilà, on essaye de faire bouger les imaginaires. Dans le débat de ce soir, moi je souhaitais peut-être en amont revenir sur les mots, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire évaluation, qu'est-ce qu'on met derrière, qu'est-ce qu'on met derrière autorité. Alors évaluation c'est quand même complexe, ça vient de valeur, qu'est-ce que vaut quelque chose. Moi je pense qu'à un moment effectivement, est-ce qu'il y a l'évaluation quantitative des choses, par exemple je crois qu'à un moment il faut quand même savoir évaluer, est-ce que quelqu'un sait la grammaire française? Est-ce que quelqu'un sait additionner? Ça, c'est aussi une évaluation, mais c'est une évaluation des connaissances. C'est le mot évaluation qu'il faut vraiment travailler. Et il y a au moins deux sens, évaluation des connaissances, évaluation qualitative ou quantitative. Alors, dans le monde du travail, tout ça, ça a été fait, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur des évaluations de choses qu'on ne peut pas chiffrer, on veut les chiffrer. Par exemple, évaluation du savoir-faire, du savoir-être, des conneries de ce type-là, qui effectivement rendent les gens malheureux, voire malades. Et dans les écoles, on a introduit le même système d'évaluation de choses très subjectives qui font qu'effectivement, on commence à voir des dépressions, voire des suicides dans les écoles sur ces questions-là. Donc, évaluation, oui, mais il faut savoir laquelle, hein. Donc évaluation de connaissances, oui, c'est sûr qu'il le faut, d'après moi. Autorité, c'est pareil, pour l'instant dans la discussion, je crois qu'autorité, on est simplement resté sur l'autorité, c'est-à-dire, moi je suis le chef, je décide. Mais par exemple, si on est maçon et que moi je suis maçon depuis 20 ans, quand je vais dire quelque chose, je vais avoir une certaine autorité parce que lui, il est débutant. et je fais autorité. Donc l'autorité dans ce sens-là, elle est nécessaire, elle est très importante. On ne peut pas dire si ici, vous êtes des élèves maçons et moi maçon de 20 ans, qu'on est en démocratie dans le sens, lui, il a droit à une voix, moi une voix, sur une question de savoir quel est le bon béton qu'on va faire, parce que je suis désolé, il n'y connaît rien, et qu'on n'est pas en démocratie, lorsqu'on, en tout cas, on n'est pas en démocratie dans le sens un homme, une voix, lorsqu'on va parler de choses de compétences. Donc ça aussi, c'est un mot vraiment à réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire l'autorité? Alors, autre point, l'auto-évaluation, là je vais un peu être provocant, l'auto-évaluation ça n'existe pas, on ne peut pas s'auto-évaluer, il y a, qui est-ce qui a fait ça? Narcisse a fait ça, il est tombé dans l'eau, il est mort, hein, il s'est noyé. Donc si on reprend l'exemple du maçon, c'est bien lui, à un moment je vais commencer à discuter avec lui de maçonnerie, donc il va se rendre compte que je commence à estimer qu'il est un bon maçon. Donc l'évaluation qu'on est des bons maçons, ça se fait en collectif. Donc je crois que l'évaluation doit se faire en collectif, tant dans le monde du travail, ce qui n'existe plus, ce qui a été salopé, que éventuellement à faire des essais d'évaluation dans le monde de l'enseignement des enfants ou des moins enfants comme les étudiants, évaluation collective, mais collective sur les savoirs qu'on a développés. Juste un dernier petit mot, parce que je ne veux pas monopoliser plus pour l'instant la parole, la notation, les notations individuelles ont deux défauts, hein, c'est qu'on va se mettre en compétence, en compétition immédiatement nous deux, on va vouloir être le meilleur. Et autre défaut tard de la notation individuelle, c'est-à-dire qu'on ne va pas du tout noter tout ce qui est les choses qu'on a fait collectivement ensemble et qu'on oublie qu'on les a faites ensemble. Par exemple, moi je me souviens très bien, c'est un peu drôle pour moi, quand j'étais en première, on faisait toujours on avait des devoirs de maths à faire à la maison. Moi j'étais un peu paresseux, donc je copiais sur le copain. Et peut-être que je le copiais bien, j'avais des meilleures notes que lui. Et à la fin de l'année, le prof, il a parlé de tout le monde, il a dit, bon, Jean-Marie, ça va, mais l'autre, s'il recopie sur Jean-Marie, il pourrait faire l'effort de faire moins de fautes. Donc on oublie toute et je suis devenu bon en mathématiques, hein. Donc le fait de tricher m'a rendu bon aussi, et cette évaluation collective dans la notation elle n'existe pas, et c'est dommage parce que les savoirs on les acquiert collectivement, même si l'ingénieur ou l'étudiant ne s'en rend pas compte. Oui, et je voudrais dire pour les Finlandais, d'abord les enseignants apprennent plusieurs méthodes pédagogiques, une dizaine à peu près, et c'est important, et ils s'adaptent donc plus facilement. Mais je pense que le fait d'avoir plusieurs méthodes, c'est pas qu'ils appliquent une méthode, mais ça leur permet eux d'avoir une ouverture d'esprit et l'imaginaire, se rapprocher des possibilités, pardon, des imaginaires des enfants, parce que la grosse différence entre nous et les enfants, c'est que les imaginaires et les manières de fonctionner sont florissantes et nous on fait des cadres, et c'est un gros problème. Donc c'est une question d'adaptation, et le fait d'avoir plusieurs méthodes dans sa poche, et puis ça permet de voir différemment les gens, quoi. Y avait un autre truc que je voulais dire mais j'ai oublié. Mais tant pis, ça sera pour la prochaine. Alors, au fur et à mesure que je vous entends, j'entends des mots effrayants, autorité, évaluation, les enfants sont paumés, on n'a pas le droit de les noter parce que ça va peut-être les perturber dans leur vie future. C'est effrayant. Alors, je vais vous dire, d'abord mon âge, j'ai 87 ans. Je suis partie, j'ai commencé à travailler dès mon certificat d'études à 13 ans. Et j'ai pas arrêté parce que mes parents étaient très pauvres. Quoique je vienne d'Oran, d'Algérie, et que je sois une pied-noire, horreur. On était tous des capitalistes là-bas, hormis nous. Alors, revenons à plus sérieux. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'à vous entendre les uns les autres, oui, ce monsieur-là m'a intéressé. Oui, c'était constructif, c'était bien. Mais je ne vois pas les jeunes livrés à eux-mêmes. Et maintenant, ils font des études chez mes petits-enfants, ils en font pareil. Et à 22, 23, 24, 25 ans, en dehors de ça, qu'est-ce qu'ils foutent, hein? Moi, j'en ai un, j'en sais. Alors, et puis ils se plaignent, et puis ils supportent pas l'autorité, et ils se portent pas les vieux. Allez, hop, au bûcher. Non, mais... Alors, je vais vous raconter autre chose de plus drôle. C'est que j'habite au 7e étage. Au 7e étage, j'ai quelques plantes. Et j'ai une moineaute un jour, un petit moineau, a amené ses deux petits moineaux qui étaient tout petits avec du duvet. Et la maman a commencé à picorer parce que je leur mets des graines. Et les bébés ont mangé, ont picoré comme la maman. Et puis voilà que, au bout de quelques temps quand même, les petits avaient grandi et la maman s'en est désintéressée. Elle était là, mais elle s'est désintéressée d'eux et ils venaient la chercher et elle tournait le dos et elle partait. Et ils ont commencé, eux, à apprendre à manger tout seul. Et je pense que dans la vie, c'est comme ça. La maman n'est pas loin, ou les adultes ne sont pas loin, mais à leur dire, à votre tour, de montrer que vous grandissez, que vous êtes grand. Et non pas s'accrocher à maman, « Maman, j'ai besoin, ou papa, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. » Même quand ils ont 20 ans et plus, et plus, et plus. Hein, alors, et puis après, on vient au... voilà. Alors, je voulais vous dire un poème. Je suis la morale de l'histoire, eh ben, il faut la, voilà, vous la saisissez au vol si vous pouvez. Je suis dure, je suis tendre, et j'ai perdu mon temps à rêver sans dormir, à dormir en marchant. Partout où j'ai passé, j'ai trouvé mon absence. Je ne suis nulle part, excepté le néant. Mais je porte caché au plus haut des entrailles, à la place où la foudre a frappé trop souvent, un cœur où chaque mot a laissé son empalace et d'où ma vie s'égoutte à chaque mouvement. C'est reverdi. Bah, écoutez, nous on préfère votre poème que... Je préfère ton poème que les regrets que tu as, je dis tu, en parlant des pieds noirs. Ah oui, parce que vous avez parlé des pieds noirs quand même. Ah oui, oui. Donc voilà, bah voilà, les pieds noirs, bah ils sont revenus. Désolé pour vous, mais ce qui s'est passé, c'est passé. Parce que on a pu quelque part. On est... Ah ouais, on se calme. Moi je suis de ceux que les peignoirs ont colonisé, oui. Mais vous êtes quoi, berbère ou... On n'a pas le droit, on est en... Ah ouais, on n'a pas le droit de parler de ce qu'on veut là. Alors, on est en dictature. Moi je suis de mère berbère et de père arabe, c'est compliqué. Parce que je vais vous dire, les berbères étaient des proto... Les proto-berbères d'Algérie, on n'en connaît pas d'autres avant eux. Et les Arabes sont venus avec d'autres conquêtes. Et puis... Bah écoutez, je vous souhaite toute la paix du monde. Et puis je sais même plus quel était le sujet, il n'y a que celui-là qui m'a marqué. Alors parlons des enfants. Moi je suis là, je dis ce que je pense, excusez-moi. Mais pourquoi vous parlez de pieds noirs alors qu'on parle d'enfants? Ça aussi c'est vous quand même qui avez balancé une perche. Et Ah oui, oui. Donc moi ce que je voulais dire sur les enfants là, ceux d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes de ceux d'avant et il va falloir faire très attention avec eux et non pas faire très attention avec eux parce que c'est eux les méchants, c'est parce que c'est eux qui subissent des choses, que ce soit à la télé, que ce soit avec leur portable et tout ça, c'est eux qui deviennent complètement, ils sont hors, comment dire, c'est-à-dire ils oublient même les règles premières, le respect, et il faut rester sur le fait que c'est pas de leur faute et qu'il faut et que ceux qui les rendent comme ça, ça n'est même pas leurs parents, c'est ce qu'ils reçoivent en dehors de leurs parents. Parce que leurs parents se battent pour justement faire à ce qu'ils reçoivent pas, toute la pourriture qu'ils reçoivent, que ce soit la télé, le Pokémon, Pokémon entre autres. Et puis voilà. Et donc j'ai vraiment beaucoup d'empathie pour les parents parce que je sais que c'est hyper difficile pour eux. Et on est là pour les aider. Voilà. Ouais, alors du coup, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on... Enfin, qu'est-ce qu'il faudrait que les enfants reçoivent du coup dans cette société idéale de l'environnement extérieur, si c'est ce que tu dis. Ouais, je relance sur des questions en fait. par rapport à ce que vous avez dit. J'ai beaucoup, se rapprocher de la possibilité des imaginaires des enfants. Je me demandais par exemple pourquoi est-ce qu'on coupe les... Enfin, est-ce qu'on pourrait pas, plutôt, pour ne pas être contre, mais pour, associer les activités créatrices avec les apprentissages à assimiler. Et du coup, ça m'a fait poser la question, quel savoir peut être remis en cause ou soumis à débat? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire un travail participatif où tout le monde intervient et répond sur la grammaire? Est-ce que c'est jouable? Est-ce qu'on peut le faire sur les mathématiques? Alors, je pense que sur l'histoire, on peut le faire aussi, mais voilà. Quels sont les savoirs sur lesquels on impose une certaine vérité établie et quels sont ceux sur lesquels on s'appuie sur chacun pour la constituer et la remettre en cause? Je pense que c'est aussi une des questions fondamentales de l'école, d'être habitué à assimiler des connaissances toutes faites et à partir de quand les connaissances peuvent être ou non remises en cause. Mais c'est des questions. Et tout le monde peut intervenir, hein, vraiment, vous levez la main, je vous passe le micro. Hein. Déjà, il y a eu des méthodes où c'était... je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut innover par rapport à ces méthodes. Il y avait les méthodes Steiner, les méthodes Freinet, Winnicott et d'autres, j'en oublie. Déjà, au lieu d'être face à un maître, de travailler en groupe. Travailler en groupe, ça paraît une évidence. Les uns apportent... chacun apporte à l'autre. Il y en a qui ont des connaissances peut-être plus poussées sur un domaine que d'autres. Mettons en histoire, il y en a un qui en connaît plus, mais il apporte à d'autres. Mais chacun apporte ses connaissances. Pour le futur, ben de toute façon, oui, qu'il y ait plus de notation, qu'il y ait plus de... Bon, il n'y a pas besoin d'une autorité qui décide à la place des autres. Il laisse les enfants participer. Voilà, c'est juste quelques petites idées. Pour le moment, je n'ai pas d'autres idées, mais il y a sûrement beaucoup d'autres choses à dire. Ouais, du coup, j'ai repensé à l'évaluation et parce que c'est vrai que c'est intéressant de savoir ce qu'on évalue et aussi, du coup, ça m'a fait penser aussi dans quel but en fait, parce que actuellement l'évaluation, elle sert individuellement uniquement en fait, elle sert pour nous. Enfin, la note du copain, on en a rien à faire en fait, un peu, ou limite elle nous sert de repère pour savoir, mais pas plus quoi. Et du coup, je sais pas, je balance ça comme ça, mais est-ce que du coup, on pourrait... Ça se trouve, ça existe déjà dans les pédagogies que vous avez dit, mais par exemple, que l'objectif de la note soit de faire, que l'objectif collectif, en fait, soit de faire monter la classe et non l'élève, et donc d'atteindre un niveau pour la classe que tout le monde souhaite atteindre. Enfin, voilà, moi, je pense que je me suis fait comprendre. Et aussi, mais ça, c'est sûr que ça existe déjà dans les méthodes, mais pour moi, c'est important. Et je pense que ça permet de, comme il disait... de sortir justement de toutes ces agressions extérieures par des choses simples comme par exemple à l'école préparer des repas et évidemment si possible avec des choses saines et allant dans plein de sens de ce que je veux pas développer ici mais voilà pour moi c'est des choses de base qui permettent justement de sortir des agressions de l'extérieur en les faisant voilà on s'en rend compte assez facilement je pense. Oui, pour parler de... Vous avez parlé des maths, par exemple. Comment peut-être les aborder autrement comme une vérité établie. Enfin, ça rejoindrait le sens de la vérité établie. Mais par exemple, moi, je me rappelle en classe de première, il y avait ce qu'on appelle le TPE, en tout cas en première générale. Et en fait, donc, travaux personnels encadrés. Et en fait, c'est une sorte de... Sur une longue durée... travailler sur un sujet où deux matières se rejoignent et ça peut être plein de choses. L'histoire, l'anglais, les maths, l'art plastique, ça peut être plein de choses comme ça. Et moi, je me rappelle que c'était assez intéressant. En plus, ça se fait par groupe. La relation avec les profs est plus la même parce qu'en plus, on les voit sur la longue durée régulièrement. Enfin, on les voit déjà régulièrement, mais c'est pas pareil. Et je me dis, pourquoi est-ce qu'il y a que ça en première et pas avant? Mais avant, ça, c'est peut-être un peu compliqué. On est plus jeune, mais ça peut aller au programme aussi. Mais peut-être ça peut faire ça, mais en moins lourd, sur une moins longue durée, peut-être, avec moins de travail. Enfin, trouver une autre tournure que juste faire des exposés, parfois, ça c'est intéressant, mais voilà. Et peut-être en maths, je sais pas moi. Mais bon, peut-être c'est pareil, ça peut rendre le truc un peu lourd, mais il faut pas, je pense qu'il faut pas non plus l'imposer trop fortement. Faire de l'histoire des maths, par exemple. Un peu étudier les mathématiciens, voir ce qu'il y a derrière une équation, ça peut être intéressant. Je sais que en plus maintenant, il y a plein de, et même conseillers, mais là je vais peut-être un peu loin, on donne des livres à lire, des romans en français, en littérature après ça devient ça, d'après en philo, etc. Pourquoi est-ce qu'on donne pas, enfin on donne pas, on suggère pas en tout cas vivement. Bon, faut que ce soit imposé parfois pour que les élèves le fassent évidemment. Mais il y en aura que 3 dans la classe qui le feront, même pas, ça se trouve. Je sais pas. En fait, par exemple, il y a beaucoup de BD maintenant, de vulgarisation scientifique, des choses plus légères, en fait, sur l'histoire, des explications en images, des choses comme ça. Peut-être jouer là-dessus, suggérer ça. Il y a des choses super maintenant qui se font. Voilà, suggérer de lire des choses comme ça et d'aborder d'autres matières autrement. Voilà, je pensais à ça. Est-ce que quelqu'un d'autre... Oui. 1, 2. Okay. Merci. Oui, à propos du contenu de l'enseignement, il y a des régions de la science contemporaine qu'on n'aborde pas. Et je peux vous donner des exemples. Monsieur Jean-Luc Mélenchon a écrit ce bouquin avec 12 contributeurs scientifiques. Des contributeurs, des gens qui ont bossé là-dessus, il y a 12 auteurs. Et quand j'ai voulu m'intégrer à l'équipe, bon, j'ai été refusé, mais c'est pas, ils m'ont pas dit pourquoi, mais si vous voulez, le contenu de ce bouquin fait partie de la théorie des systèmes complexes, qui est une invention relativement récente parce qu'elle a que 50 ans. Et le contenu de cette théorie n'est pas répandu parce qu'elle est considérée comme dangereuse pour le commun des mortels. C'est-à-dire, on développe les notions de chaos et d'incertitude, et les enfants, dès la maternelle, apprennent la certitude. L'incertitude, en France, on ne connaît pas. Donc, il y a M. Mélenchon qui a bossé là-dessus. Il refuse de discuter de ce bouquin. Il y a une marxiste... Je ne sais pas si elle est léniniste, mais elle se prétend marxiste, c'est Jeannine Gaspin, qui faisait des conférences là-dessus. Elle a écrit ce bouquin il y a un an. Elle faisait des conférences soutenues par la direction de l'espace Marx. Si vous cherchez dans le programme de l'humanité, de la fête de l'humanité, vous ne verrez pas de traces de l'analyse du complexe contemporain. Donc moi, si la commission accepte, Adèle, si vous acceptez, moi je vous fais un topo là-dessus, quand vous voulez. Non mais je redis du coup le principe de l'atelier actuel, qui est quelle société veut-on ? Donc on essaye de répondre à cette question-là, et aujourd'hui on est sur l'axe, quelle société veut-on pour les enfants ? C'est-à-dire dans cette société un peu idéale et utopique qu'on essaye de construire, mais ça c'est la première partie, parce que dans la deuxième partie... Une fois qu'on aura monté ce rêve, on se demandera comment est-ce qu'on fait pour y arriver. Bah, ce sera un peu plus complexe. Et là, on essaye pour l'instant de rêver. Voilà, d'imaginer cette société un petit peu utopique, un petit peu géniale. Et donc là, on est sur l'axe. Les enfants, là-dedans, qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce qu'ils font d'eux-mêmes ? Moi, je voudrais, c'est pour répondre à la jeune fille qui est intervenue en avant-dernier. Par rapport aux livres qu'on propose aux enfants, aux adolescents en première, les livres de philo, bon, moi, je vais être dans une utopie. Est-ce que les enfants sont pas capables, à cet âge-là, de décider entre eux, peut-être ils n'ont pas tous lu des bouquins de philosophie, mais de décider ce qu'ils voudraient qu'ils soient au programme, que ce soit les enfants, les adolescents eux-mêmes, qui choisissent. Et autrement, je reprends ce que tu avais dit tout à l'heure, donner beaucoup plus de place à la créativité, aux arts, aux différents arts et le fait de créer des choses, des objets, voilà. Oui, par rapport à l'histoire des sciences ou des maths et l'épistémologie, et moi j'en avais besoin, je cherchais ça longtemps, mais en fait il n'y en avait qu'au niveau de l'université, de l'histoire des sciences, en enseignement à Pierre et Marie Curie par exemple. Et ça, c'est vrai que ça aiderait beaucoup, un, à intéresser et à expliquer, parce que les profs, je me souviens quand j'étais en troisième, ils posaient des mots, il fallait deviner la signification des mots. Alors il y avait les théorèmes en 3 ou 4 lignes ou 5 lignes, mais il y a des mots dedans qu'on n'arrivait pas à piger, quoi. Et il faisait pas l'effort de l'expliquer, parce qu'en fait c'est des mots du langage commun transformés en mathématiques, et on se demandait si ça avait la même signification. On était complètement dans l'incertitude tout le temps, quoi. Donc il ferait bien de faire un effort, les profs, quand même, pour dire, quand ils parlent, les mots qu'ils utilisent, ça veut dire quoi. Ça serait déjà bien, quoi. Ensuite, il y a un problème en France, je pense, que c'est le type d'enseignement des profs eux-mêmes. Donc, j'ai pas été moi dans le système, mais il faudrait que des enseignants disent à quoi ça ressemble leur enseignement d'enseignant. Voilà, et on pourrait peut-être partir de là. Et ce que je sais également, c'est qu'il y a à disposition, normalement, les professeurs ont au moins 2 ou 3 pédagogies à disposition. Et d'après ce que j'ai compris, c'est à eux de faire l'effort de la prendre et de la mettre en œuvre en classe. Mais est-ce qu'ils ont appris les pédagogies? En tout cas, je sais qu'ils peuvent le faire. Je sais qu'ils peuvent le faire parce que c'est une expérience que j'avais connue dans le 19e arrondissement. Où dans les années 2000, je militais là-bas, et on essayait de voir ce qu'on pouvait faire. Et qu'est-ce que je voulais dire encore? Oui, mais je pense qu'il y a un gros effort des enseignants pour devenir d'aussi bons enseignants que les enseignants finlandais. Pardon? Ah, mais les enseignants finlandais, c'est ce que j'avais dit avant. C'est qu'ils ont une dizaine de pédagogies disponibles. J'ai pas dit aussi que les classes n'étaient pas aussi nombreuses que les nôtres. Sont moins importantes. Et c'est les premiers de la classe dans tout le classement international. C'est-à-dire que il y a une bonne adaptation, quoi. Et c'est pas gnangnan. Voilà. J'avais dit tout à l'heure que ça ouvrait l'esprit, et donc du coup ils pouvaient s'adapter à chaque élève. Mais en plus de ça, ce que je disais tout à l'heure, c'est que du côté des élèves, il y a un imaginaire qu'on a tendance à perdre en grandissant et en vieillissant, et que ça permet de rouvrir l'imaginaire. Voilà. Donc on s'adapte du côté de l'imaginaire des enfants. Je vais continuer pour ce que j'en sais aussi sur l'enseignement finlandais, hein, qui est encore une fois, comme on le disait, issu des techniques dont a parlé monsieur. Si j'ai bien compris, ils ont inversé le processus, c'est-à-dire au lieu de partir de la connaissance pour commencer à expérimenter les choses théoriques qui nous sont apportées, ils font le contraire. C'est-à-dire que pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, le début de l'incorporation au niveau de l'école, je ne sais pas à quel niveau ça démarre, c'est 3 ans d'approximation, d'expérimentation, de bricolage, de création d'imaginaire, quoi. Avec un certain nombre d'outils qui vont aller de la couleur à la fabrication, au bout de bois, aux éléments de cuisine. Ça agace certains parents derrière, d'ailleurs, parce qu'ils voudraient avoir des ingénieurs mathématiciens. Et il y a des mômes qui se découvrent des cuisiniers extraordinaires. Ça emmerde un peu le système, il a fallu que ça rentre. Mais encore une fois, ils sont très citoyens, les Finlandais, ici, on s'en fait. Mais donc, inverser le processus. Moi, c'est sûr que j'ai fait pas mal d'ateliers dans les milieux scolaires. C'est d'ailleurs là où j'ai toujours eu l'impression de servir à quelque chose en tant qu'artiste. Des fois, j'ai des doutes. Mais en tout cas, là, il n'y avait pas de doute. J'arrivais pas avec un savoir, d'abord. J'arrivais avec... enfin, en tout cas, il y avait une expérimentation de la création et de l'émotion aussi, de la sensibilité et des sens. Par lequel on passait forcément avec notre métier de l'acting, mais l'acting c'est la même chose dans la vie d'ailleurs, mais je proposerai un truc une autre fois, mais oui de bon, je m'arrête là, je sais plus ce que je me dis, je me suis écouté un instant, je me suis perdu. Juste pour vous répondre monsieur, vous disiez peut-être qu'on pourrait choisir les livres qu'on pourrait lire. Mais le problème, c'est que par exemple, vous avez pris l'exemple de la philo. Avant d'arriver en terminale, à moins d'avoir été préparée, moi je sais que j'avais été un peu mère avant ayant étudié la philo, mais tout le monde n'a pas ça. Et avant d'arriver, je ne savais pas qui c'était, Bergson, Kant, je savais à peine, et j'en passe, enfin voilà. Donc du coup, je ne pouvais pas savoir ce que je voulais lire, mais peut-être du coup faire des suggestions, mais après quelques mois, quoi, quand on commence à connaître, parce qu'avant. J'avais déjà lu quelques trucs, mais pas beaucoup, quoi. Voilà. Et en fait, oui, donc, voilà, par exemple. Mais peut-être faire des suggestions. Et sinon, je pensais à un truc à propos des livres. Du coup, comme j'y reviens, on disait qu'en philo, qu'en français, peut-être, ça, on le fait dans les études supérieures, ils donnent, en tout cas, moi, dans ce que je fais, une liste de livres au début de l'année. Et voilà, c'est une suggestion, bon, une forte suggestion d'en lire une bonne partie. Et ben par exemple, comme ça c'est pas obligatoire, mais on vous conseille quand même, dans chaque matière, bon chaque ça fait peut-être beaucoup, donner une liste de livres aux élèves que le prof suggère. Si le prof, enfin après faut pas que ce soit une obligation non plus je pense, parce que si le prof s'y sent obligé, il va balancer un truc dont il se fout, et l'idée ce serait de pouvoir en discuter après avec lui quoi, je pense, et sinon ça sert à rien. Et puis, voilà. Et sinon, vous avez parlé de quelque chose où qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Mais enfin voilà, je pense ça. Et le reste, j'ai oublié. Désolée. Mais en tout cas, ce que vous dites par rapport au livre, ça me fait aussi penser, parce qu'on en avait déjà parlé au début des ateliers, c'est le problème de l'accès à la culture aussi, et de l'habitude à tout simplement ouvrir un livre. Parce que non seulement, voilà, toi tu disais, bon, bah, ces auteurs-là, je les connaissais pas, mais il y en a qui savent même pas ce que c'est que la philosophie. Enfin, voilà, en fonction de l'environnement culturel dans lequel t'es, des personnes avec qui t'es habitué à être. Donc, en tout cas, j'ai l'impression que tout le monde est d'accord sur, on garde l'école, quoi, dans la société, ça sert à quelque chose, quand même. Il y aura peut-être des oppositions, hein, mais... Merci. Bonjour tout le monde. Excusez-moi, j'ai un peu le soleil dans les yeux. Donc voilà, je me cache un peu. Moi, pour l'éducation, disons dans un monde un peu utopique, déjà pour rebondir sur la question de l'école, si on doit parler de l'école, moi, ce qui me dérange actuellement et ce que j'aimerais bien dans un autre monde, un monde meilleur, en effet, ce serait que les élèves, le corps enseignant, je sais pas moi, les parents, même les pions dans les bahuts, tout le monde, que tous les gens qui vivent dans le système éducatif sur place participent à l'élaboration des programmes. Alors, je sais pas, j'ai aucune idée pour les modalités, mais moi, ce qui me dérange, c'est me dire que les jeunes qui vont à l'école, qui vont au collège, par exemple, les programmes, tout l'enseignement pour eux, il est élaboré par des vieux croutons qui sont dans leur académie ou je ne sais où, et qui ont aussi des arrière-pensées politiques et qui établissent des programmes pour la jeunesse qui vient. Et donc, moi, j'aimerais bien que cela disparaisse, qu'on ait un autre processus, un processus plus communautaire d'élaboration des programmes avec, en maintenant, bien sûr, les fondamentaux. Mais par exemple, moi, je sais que j'aime beaucoup la musique. Mon enseignement de musique du CP jusqu'à la, je crois c'est à la troisième, je n'ai rien appris, mais rien du tout, alors qu'il y a tellement de choses qui me passionnaient, moi et d'autres, et donc il y a beaucoup de gâchis en fait, je trouve, dans tout cela. Deuxième chose, je pense que dans l'éducation, il faut aussi penser aux adultes. Je crois qu'on a beaucoup parlé des enfants. Alors, je ne sais pas si on se limite à ce thème-là aujourd'hui, mais je pense qu'il y a quelque chose qui est très important. C'est aussi l'éducation pour les adultes. Je crois que les gens, une fois qu'ils ont quitté l'école, qu'ils ont un boulot et autres, ils restent demandeurs. Il y a beaucoup de gens qui ont arrêté l'école pour X raisons et qui aimeraient bien y retourner pour acquérir certaines connaissances, certaines bases. Moi, par exemple, je suis historien. Je suis sûr que à des adultes, en leur donnant un cours, par exemple, d'une heure ou deux heures sur les techniques de critique historique, de recherche de sources et autres, on peut donner les armes aux personnes, à des adultes, pour qu'ensuite ils puissent, maintenant que tout le monde a plus ou moins accès à Internet, du moins accès à des bibliothèques, pour faire des recherches sur telle ou telle question et pouvoir tirer le vrai du faux par soi-même via les techniques des techniques d'historiens. Et ça s'applique à la cuisine, ça s'applique au sport, ça s'applique à plein de choses qui passent par l'éducation. Donc moi j'aimerais bien aussi, voilà, dans ce monde de futur, que dans toutes les communautés, dans toutes les communes, les villes, partout, on ait un accès gratuit à l'éducation pour les adultes. Voilà. Je repars par rapport à la lecture, les livres qu'on nous impose très, très souvent à l'école. C'est vrai que je suis très favorable à un peu plus de liberté sur le fait que les enfants puissent choisir en partie les livres qu'on leur propose de lire, car mon avis personnel, il me semble que c'est à l'école que j'ai appris à détester à lire. C'est une fois que j'ai arrêté l'école que j'ai jamais acheté autant de bouquins derrière. Et je pouvais enfin lire ce que je voulais, c'est avoir le temps aussi de lire. Donc je pense que là il y a quelque chose à faire aussi de ce côté-là. Oui. Aussi, pareil pour la philosophie, c'est une matière que j'ai pu trouver une seule année en terminale, et c'était une heure par semaine. Et en plus, selon la classe qu'on peut avoir, c'est pas terrible. Et c'est ce qui est dommage, c'est que la philosophie, c'est le cours où on nous apprend, où on nous demande de réfléchir, quoi, utiliser notre cerveau, c'est le seul cours. Et encore, pendant cette année, j'étais très déçu sur la philosophie, puisqu'on m'apprenait qu'est-ce que c'était la philosophie, mais on nous apprenait pas à philosopher. Les débats, c'était rare. On écrivait des lignes de cours sur ce qu'était la philosophie, ce que pensaient certaines personnes, mais derrière, il y avait zéro débat ou très peu, quoi. Donc là aussi, essayer d'augmenter des heures de cours sur la réflexion, également l'éducation critique, ça rajouter une éducation critique, discuter entre élèves et professeurs avec d'autres intervenants aussi peut-être plus spécialisés réfléchir sur certaines choses, par exemple sur la propagande. Je vous montre cette image, qu'est-ce que vous en pensez sur comment vous protéger des mensonges, de la publicité. Ce sont des choses qui ont existé. Ça a été pendant pas très longtemps. En général, pendant les guerres ou juste après, ça a fermé rapidement puisque ça marchait. Et je pense que ce sont des sujets très intéressants à introduire au niveau scolaire. À partir d'un certain âge, peut-être, mais très intéressant. Alors, juste, je voulais dire, parce que Seb doit partir, est-ce que quelqu'un dans le public voudrait bien faire la prise de notes sur le tableau des idées? Non, vous battez pas. Vous avez le droit de parler en même temps, hein. Je vous donnerai quand même le micro si vous voulez vous exprimer, hein. C'est pas parce que vous prenez les notes que vous n'avez plus le droit de parler, hein. C'est juste pour écrire les grandes idées, comme ça les gens qui viennent voient déjà les idées qui ont été abordées. Ce qui nous permet, voilà, de pas redire à chaque fois la même chose, comme c'est un atelier de deux heures et que les gens circulent. Et du coup, j'en profite pour dire, pour les personnes qui viennent d'arriver, qu'on est sur un atelier EducPop hebdomadaire qui pose la question « Quelle société veut-on ? » Et aujourd'hui, on est sur l'axe, dans une société un petit peu utopique qu'on aimerait construire. Qu'est-ce qu'on voudrait qu'il y ait pour les enfants ? Voilà. Donc ça peut toucher aussi bien l'éducation que la vie de famille. On n'en a pas parlé encore. D'ailleurs, est-ce qu'on peut en dire quelque chose ou est-ce qu'on n'en dit rien du tout? Voilà, donc je rouvre d'autres débats et j'étais à... Oui, alors en fait, tu as dit quelque chose tout à l'heure qui m'a fait réfléchir. C'est vrai qu'on n'a pas du tout questionné la question, est-ce qu'on a envie de continuer à ce système de l'école? Alors, je crois que ça mérite vraiment réflexion. L'école, c'est quand même quelque chose d'idéologique, de manipulatoire. Moi, je viens d'une région, la Lorraine germanophone, où quand j'étais petit, on avait encore des instituteurs envoyés de l'intérieur de la France, qui étaient des francophones purs et durs, pour coloniser, c'est un mot un peu dur, mais pour éduquer les boches que nous étions. Et on avait des punitions parce qu'on parlait le boche dans les cours de récréation. Donc nous, on a eu des instituteurs de l'intérieur de la France pour la même chose que dans les colonies, on a eu ça. Mais je vais aller un peu plus loin. Il y avait l'idée du siècle des Lumières de dire tout le monde doit être éduqué, donc on va avoir des gens, tout le monde va comprendre tout le monde et tout, etc. Je crois qu'on n'a jamais été en France autant dans les gens n'ont jamais autant en fait d'école. Or, quand vous regardez un débat à la con, par exemple, sur le burkiki, quand même, la masse énorme des gens n'arrive plus à raisonner que des choses simples. Malgré que tout le monde va à l'école, finalement, on se rend compte que les gens raisonnent moins bien, peut-être qu'il y a 200 ans. Ça pose problème. Alors, l'autre chose qui m'a fait réagir sur ta question, c'est que j'étais en Éthiopie. Donc là, c'était intéressant. Les choses sont... Alors, juste pour en France, quand même, l'école véhicule quelque chose que j'ai dit tout à l'heure. Avec le système des notes, dès tout petit, on nous met en concurrence les uns avec les autres. Je veux être le meilleur, etc. Donc, ce modèle idéologique, il passe, notamment de façon très forte dans les écoles d'ingénieurs. Hein. Les gars, ils pleurent la nuit pour être les meilleurs dans certaines écoles. Hein. Donc ça, il faut le savoir. Maintenant, j'étais en Éthiopie. Alors là, c'est intéressant. Le sud de l'Éthiopie, tu as encore 80 ethnies qui vivent entre eux, qui font à peu près tout ensemble, et l'État éthiopien veut supprimer ces choses-là. Alors les enfants vont pas à l'école, mais ils ont un savoir énorme, hein, ils sont avec les adultes, ils ont un savoir de comment on fait les colliers, comment on fait les habits, comment on fait tout ça, comment on vit sans avoir besoin d'apport extérieur. Donc les enfants savent faire ça. L'État éthiopien, qui est un peu dictatorial, veut éliminer ça, donc il a fait une loi sur l'éducation obligatoire. Donc comme ces enfants qui sont dans les ethnies du sud vont pas à l'école, ben ils raflent les enfants puisque ils vont pas à l'école. Alors, le truc qui m'a interpellé, c'est que j'étais aussi à Addis. Donc à Addis, les filles, les garçons sont à l'école. Sauf que quand tu vas le soir à Addis, les filles entre 13 ans et 18 ans, ben, y a des dizaines de milliers qui font pute. Et elles étaient à l'école. Tandis que quand tu vas dans le sud, elles sont pas à l'école. Elles vivent dans les ethnies. Elles savent faire les habits, les diamants. Elles vont pas à l'école de la République. Ou je sais pas si c'est une République. Oui, République. Mais voilà, donc je voulais, ça m'a fait penser à ça. L'école, même en France, a une fonction idéologique et manipulatoire qu'on est vraiment obligé de réfléchir parce qu'on l'a pas mis du temps du tout là-dedans. Et l'Éthiopie m'y a fait penser. Et mes histoires de petits garçons dans l'école communale où j'avais la méchante maîtresse de Bergerac qui me tirait les oreilles parce que je parlais allemand m'a fait repenser à ça. Et c'est pas anecdotique. Merci. Ben, je pense que d'abord c'est une question compliquée. Et puis, soit le système éducation nationale, soit le système éducation nationale. Toujours comme monsieur il a parlé en partie, c'est idéologique. Il y a un rapport entre le système économique et le système politique. D'ailleurs, dans l'histoire aussi, c'était comme ça. Par exemple, en l'Union soviétique, après le régime bolchevique, moi je suis communiste, ça c'est une autre chose, je ne cache pas. Ils ont créé un système éducatif qui appartient au parti. Ceux qui gardaient le pouvoir politique, ils ont commencé à former les enfants comme ils voulaient. Ce que je voulais dire, d'abord le système éducation nationale, où le système éducation nationale n'est pas neutre. Quand ce n'est pas neutre, l'objectif, ce n'est pas élever les enfants pour une société humaine qui ça peut penser par eux-mêmes, qui ça peut décider par eux-mêmes. Par exemple, quand on parle philosophiquement, quand on naît, nos parents ils nous donnent un nom. Ils choisissent une religion pour nous, ils choisissent une nation pour nous. Mais quand on parle avec beaucoup de gens, on pense qu'ils sont librement choisis, ça appartient à eux. comme notre nom, notre religion, notre nation, ça appartient pas à nous, les autres qui ont décidé. Comme la plupart idées qu'on parle aujourd'hui, ça appartient pas à nous même. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas appris librement. D'abord, dans tous les modèles de société, le penser, c'est pas légal. On pense ce qu'on a appris dans l'école, ce qu'on a appris sur les journaux, ce qu'on a lu dans les livres qui publient par les écrivains qui les publient, il écrit pour eux. Pour ça, s'il n'y a pas de neutralité d'éducation, il ne faut pas imaginer pour un bon avenir pour les enfants aujourd'hui ou demain. On est déjà, c'est pas dans une bonne condition. Tout à l'heure, une madame, elle a parlé, elle a fait une interprétation. Par exemple, elle a composé les jeunes de l'ancienne époque, les jeunes d'aujourd'hui. Mais elle n'a pas créé un rapport avec le temps actuel. Aujourd'hui en France, par exemple, les gens de 30, 40 ans, ils retournent chez leur père, leur mère. Pourquoi? Parce que le système économique, il le pousse dans la galère, dans la misère, ils perdent leur maison, ils perdent son travail. Ils ne peuvent pas vivre, ils ont besoin de l'aide de leurs parents. Vous pouvez me dire, il y a quel rapport entre le système d'éducation, entre ça, entre élèves, les enfants qui ont vécu culturel. Déjà, les programmes sont créés par eux-mêmes. Vous savez très bien, il y a les programmes à partir de l'école maternelle, l'école primaire et collège. Alors, les profs aussi sont formés la plupart dans leur école. Ils ne sont pas indépendants, ils ont obligé de suivre un programme. Comme on allait dans un lieu administratif, il nous disait quoi, même si il n'a pas raison, il a tort, mais il dit, monsieur, les lois, il dit ça. C'est pas le moral qui se marche, c'est pas la logique qui se marche. Comme histoire d'un vol, quelqu'un il peut faire, il peut voler quelque chose. Déjà c'est marqué de toute façon. On dit, monsieur, 6 mois en prison. L'autre côté, l'autre, il peut voler 50 milliards d'euros parce que c'est légitime. Pourquoi légitime? Au nom de commerce. Alors, tout à l'heure, le monsieur, il a parlé système Finlande. Moi, je n'ai pas étudié système Finlande. Mais ce que je vois, tous les systèmes d'éducation n'est pas neutre, n'est pas indépendant. C'est préparer ceux qui gardent le pouvoir économique. Je peux vous donner un petit exemple sur la Turquie. Dans 40 ans, la Turquie, ça devient un pays conservateur. Ça devient un pays religieux. Même les gens qui n'ont jamais fait une étude théologique, ils parlent n'importe quoi, aucun rapport avec religion, la réalité. Mais dans 40 ans, voilà, ils ont islamisé. En Allemagne, comment les nazis arrivaient au pouvoir? Ils ont utilisé le système d'éducation déjà avant. En France, aujourd'hui, c'est la même chose. Je vous donne un petit exemple. Les enfants, ils peuvent jouer entre eux. Ils ne sont pas discriminateurs. Soit noir, soit blanc, soit rouge. N'importe quelle couleur, n'importe quelle nation. Mais quand ses parents, les adultes, dans l'école ou ailleurs, ils attendent, voilà, c'est un black, c'est un nègre, c'est un chintok, c'est un arabe, c'est un blanc, c'est un européen, voilà, ils apprennent. Il poisonne. Pour ça, il faut créer un système éducatif neutre. Il ne faut pas créer une liaison entre le système d'éducation, entre le travail, parce que finalement, ce système crée sur la sélection. Et quand il y a la sélection, dans classe 5, il peut réussir, 25, ils sont obligés de perdre. C'est normal parce qu'ils n'ont pas besoin. C'est pas comme dans la nature. Dans la nature, il y a sélection naturelle. Mais dans ce système-là, comme quelqu'un il cherchait 10 salariés, il peut trouver 500 candidats. Sur 500, on prend 10, on jette 490. Pour ça, d'abord, il faut défendre liberté de pensée, liberté de publication, liberté d'expression. Mais pour ça, Dans notre système, ça c'est possible. C'est pas dans le système actuel ou le système actuel. À mon avis. Merci, non, tu soulèves beaucoup de choses. Juste, je redis pour les personnes qui viennent d'arriver que là, on est sur un atelier EducPop. Donc, on fait de façon hebdomadaire, 2 heures toutes les semaines. Sur la question qu'on pose, c'est quelle société veut-on ? Donc, c'est volontairement un peu utopique. On essaye d'imaginer différemment dans quel monde on pourrait vivre. Et la deuxième étape, ce sera comment on fait pour y arriver. Mais pour l'instant, voilà, vous avez le droit de rêver, vous avez le droit de dire des choses. Voilà, moi, je voudrais que ce soit comme ça, que ça se passe comme ça, etc. Et aujourd'hui, on est sur l'axe. Les enfants dans cette société, voilà, comme je disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait pour eux et qu'est-ce qu'ils font pour eux aussi Je voulais juste apporter un témoignage des années 70. En fait, on pouvait, je me souviens en seconde, j'étais en seconde technique, puis ensuite dans une école technique d'électronique. Et donc, là, en seconde technique, on nous avait demandé quel bouquin on voulait étudier. Et on avait choisi un bouquin d'anticipation un peu, Louis Curtis, Le Saint au Néon. C'est un bouquin dans lequel les voitures roulent à 300 km à l'heure, mais il y a des problèmes de suicide, des choses qu'on connaît aujourd'hui, quoi. Voilà. Mais on avait choisi le bouquin. Et donc, on l'a étudié pendant 3 ou 4 mois, quoi. Donc c'est plus que l'heure hebdomadaire que toi tu as aujourd'hui. Ça c'était en seconde. Et ensuite, je me souviens d'un prof de français qu'on avait à l'école technique d'électronique. Et on avait le droit de réfléchir. On discutait avec lui, quoi. Voilà, c'est les années 70 et c'est une question d'ambiance externe, tu vois, aussi. C'est pas uniquement question de programme, c'est un état de société. L'état de la société, il transparaît dans les classes. Voilà. Et il faut aussi savoir que, en gros, je sais pas moi, quels sont tes désirs de discussion en philo. Mais il faut se battre pour ça, parce que il faut avancer les sujets, il faut faire, par exemple, des exposés. On faisait des exposés, ça se fait toujours, non ? Non, ça se fait pas trop. Ah, on vous a supprimé les droits de parole par exposé. Non, ça a changé. Bon, et voilà. Mais vous avez pas de pot, hein. À mon avis, ce que vous pourriez faire, si c'est des cours à part et vous invitez les profs à vous écouter. Ça serait pas mal. Voilà. Voilà. C'était juste pour comparer un peu les temps et les ambiances. Et alors, ce que dit monsieur, c'est que tout s'interpénètre, y compris l'économie. Hein. L'économie qui commande le mode de vie, qui commande le mode de pensée et tout ça. Ce qui est bien à la place de la République, il faudrait que vous créiez dans les universités une place, une agora, chaque fois, vous discutez de tout ce que vous voulez. C'est quand même plus facile en université, hein, non ? Il y a de la place, il y a des amphis, il y a de l'herbe. Ici, il n'y a pas d'herbe. Ah ouais, alors il y a les autres écoles, ouais. C'est pas aussi facile, mais il y avait les cours de récré. Moi, j'étais en cours de récré, hein. Bon. Et les cours de récré, qu'est-ce qu'on fait ? Je rappelle à tous ceux qui le souhaitent que vous pouvez prendre la parole. Hein. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Et au contraire, les personnes qui n'ont pas pris la parole les prendront en première. Oui, c'est bien. C'est vrai que moi, ça fait plusieurs fois que j'interviens, mais je ne suis pas le seul. Ça serait bien que les personnes qui ne sont pas intervenues interviennent. Bon, moi, j'ai pensé à 3 choses pendant... depuis que j'ai parlé. Alors, moi, si je parlais par rapport aux enfants et au fait que c'est eux qui choisissent, c'est parce qu'on parle toujours par rapport à sa propre expérience, par rapport à sa propre histoire, par rapport à son propre vécu. Parce que moi, j'ai toujours lu, et bon, je suis autodidacte, et j'ai pas été jusqu'au bac, et je lisais de moi-même la psychanalyse, la philo, l'histoire, la politique et autre chose. donc j'arrête sur ce sujet. C'est parce que, mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui savent même pas ce que c'est que le mot philo, et il y a des gens qui n'ont pas lu avant. Ce que disait la jeune fille qui est partie, que les profs laissent choisir entre plusieurs auteurs, c'est pas une mauvaise idée non plus. Après, je voulais reparler par rapport à l'histoire de la Finlande. Alors, est-ce que vous êtes au courant ici qu'il y avait eu un documentaire à la télé par rapport à la Finlande? Alors moi, je voudrais savoir si vous avez les références par rapport à ce documentaire et comment on peut se le procurer. Et est-ce qu'il y a eu des livres écrits par rapport à ce sujet aussi? Et c'était Arte, d'accord, ok. C'est ce qui me semblait, mais j'étais pas sûr. Et donc, par rapport à la France, est-ce que l'école, elle est obligatoire? Est-ce qu'elle était obligatoire en France? Parce que moi, j'ai entendu parler qu'il y avait des parents qui enseignaient directement à leurs enfants et qui les faisaient pas aller à l'école. Voilà, c'est tout. Je vais intervenir très très brièvement. Je vais vous donner une idée de pourquoi j'interviens. Je suis interprète. J'ai travaillé dans plusieurs pays, en anglais, en français, en espagnol. L'importance de la philosophie, effectivement, elle devrait être au début de l'école. Parce qu'après tout, à partir du moment où un enfant pense, il philosophe. Donc à ce moment-là, la description de la philosophie, elle devrait être beaucoup plus simple. Et par rapport aux livres qu'on choisit ou qu'on ne choisit pas, il faudrait d'abord que les gens apprennent à utiliser le vocabulaire qu'ils connaissent. C'est-à-dire, le mot est très important. La parole est importante. Qu'on parle anglais, français, espagnol ou russe, on peut utiliser les mots et il faut savoir. Et avant de débattre, il faut exprimer le vocabulaire qu'on utilise et l'expliquer. Voilà. Non, c'est à toi. Non, je voulais relancer en réalité, je voulais relancer le copain sur la notion qu'il a abordée tout à l'heure de faire autre chose que l'école. Et entre autres, ça rejoint d'ailleurs ce que vient d'évoquer le monsieur, de l'enseignement dans le cadre de la société de proximité, de la famille. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière, que tu as quelque chose derrière dans ta tête, non? Non, j'ai rien d'autre chose derrière la tête, si ce n'est qu'avec ce voyage en Éthiopie, ça m'a fait réfléchir que les petits-enfants qui étaient dans ces ethnies qu'on appelle sauvages, ils en savaient beaucoup plus, ils savaient faire plein de choses, alors que les petites filles et les petits garçons d'Addis Abeba avaient peut-être appris les tables de multiplication, mais faisaient pute le soir, quoi. Donc je crois qu'effectivement, apprendre avec les parents, avec l'entourage social, l'école nous désapprend quand même toutes les choses de la nature, etc. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais parce que l'école m'a désappris toutes les choses de qu'est-ce que c'est une plante dans ma forêt que j'aurais su si j'avais été avec mon grand-père, etc. Donc l'école m'a désappris beaucoup de choses, même si j'ai appris les mathématiques. Hein. Ça, c'est sûr. Ce qui est intéressant, ce que tu dis, c'est que l'école nous désapprend le rapport direct aux choses aussi. Du coup, en nous imposant certaines représentations établies. Bon, j'ai longtemps hésité avant de vouloir prendre la parole parce que moi, je constate une chose. Il a beau y avoir des protestations, différentes choses, le système, il ne change pas. Les mêmes vont se représenter aux élections. On va avoir les mêmes têtes. Il n'y a aucune opposition à ça. Les écoles, c'est autodirigé par un système, de toute façon. Alors on aura beau en parler, on aura beau faire tout ce qu'on veut. Pour l'instant, c'est toujours eux qui vont décider. Hein, la preuve, il y a même des opposants qui se font virer ou qui se font retrouver dans les petites provinces lointaines. Le problème, si vous voulez, c'est que les gens doivent exiger une défense de la démocratie absolue et elle n'existe pas. Elle n'existe plus. Parce que des gens ont décidé de le changer et que de toute façon, vous voyez, aujourd'hui, il y a plus de monde à côté que de discussions, de possibilités de discussion. À droite, à gauche, chacun a son point de vue, chacun défend ses arguments, mais le résultat va être le même. Nous allons nous retrouver avec la possibilité de dire oui ou non en allant dans un endroit où de toute façon c'est la majorité qui va rester, qui va décider, de gens qu'on connaît depuis fort longtemps et qu'on voudrait bien voir ailleurs. C'est tout ce que j'avais à dire. Si je peux juste répondre là-dessus brièvement, bah, même si ça n'a pas marché jusque-là, on essaye quand même. Et nous, on est dans l'idée, en tout cas, de Bouéduc Pop, que si on dit juste ce qui ne fonctionne pas, certes, on peut le faire. C'est très important, d'ailleurs, d'être dans la lutte active, mais il faut aussi proposer autre chose. Et ce qu'on essaye avec cet atelier, c'est de rêver autre chose et ensuite de proposer les moyens d'y accéder. Donc, on n'est pas là en train de le faire pour aller demander ensuite aux politiciens, s'il vous plaît, on a pensé un truc qui était sympa entre nous, on voudrait le faire. L'idée, qui est certainement utopique de ma part, c'est que si cette société, on arrive déjà imaginairement à la créer, ensuite à savoir de quelle façon on y accède, et ben on pourra le faire chacun, en dehors de des choix politiques. Mais non, mais voilà, c'était juste pour répondre. Du coup, il y avait un tour de parole là. Je redis pour ceux qui viennent d'arriver que donc dans cet atelier là, on est sur quelle société veut-on. Donc toutes les bonnes idées, toutes les idées sont bonnes, plutôt dans ce sens-là. Et aujourd'hui, on est sur l'axe éducation, c'est-à-dire dans cette société qu'on voudrait voir un jour, quelle place y aurait pour les enfants, qu'est-ce qu'on aimerait qu'ils puissent faire. Et voilà, donc vous êtes tous et toutes les bienvenus pour participer. Oui, moi, c'est pour répondre au monsieur qui vient de parler à ma droite, là. Il faudrait commencer à essayer de comprendre ce qui se passe sur cette place. Ça dure depuis 6 mois. On nous a envoyé les CRS, on nous a envoyé les casseurs, on nous a envoyé les briseurs de glace. Ils brisaient tout sauf la glace. Et donc, en tout cas, pas la glace de la République. Et donc, si vous voulez, monsieur, vous ne réfléchissez pas à ce qui se passe. Vous êtes ici en train de dire c'est toujours pareil. Alors vécu, non, mais moi aussi j'ai vécu, monsieur, et je suis en train de vivre aussi. Alors donc ce qui se passe sur cette place n'est pas ce qui se passe ailleurs. Alors moi je prétends pas qu'on est des extra lucides, on est juste des gens qui essayons de créer un lieu où la parole existe vraiment, et pas seulement la parole. C'est-à-dire que quand on monte une tente ou quand on fait un nœud dans une corde ici, ce n'est pas une idée, c'est une idée qui est accompagnée d'une corde. Alors il faut réfléchir à ça. Ailleurs vous parlez sans pouvoir exercer l'effet de votre parole. Ici quand vous avez une parole, elle a un écho et quelquefois elle a une pratique. Juste, est-ce que du coup on peut, ça fait partie du débat hein, d'ailleurs, mais est-ce qu'on peut revenir, tu reviens sur le débat ? Attention hein. Justement, j'ai entendu monsieur, ça fait 40 ans que je le fais, donc ce serait bien d'en avoir l'écho de l'expérience, non ? Oui, mais madame le sait, je suis venu plusieurs fois raconter mon histoire. Ah oui, mais moi je la connais pas, mais moi je la connais pas. Ben, j'y étais, donc il faudra, voilà, c'est ça le problème que j'ai eu. Non, mais je vais répondre à monsieur. Je ne vais pas raconter l'histoire. Non, ça, en restant, c'est justement moi ce que j'estime, que quand des choses concrètes, importantes, elles doivent être répétées continuellement, c'est-à-dire arriver que chaque semaine, il y a un débat dessus, peut-être deux fois par semaine, pour arriver à gêner ces gens-là. Car ces gens-là, ils s'en foutent, monsieur. Ils font oui, mais alors ce qu'elle vous répondait, c'est qu'on essaye d'avoir un imaginaire, une projection, en quelque sorte. On s'apporte chacun un petit peu. Moi, ça réveille, si vous voulez, parce que je suis pas là-dessus. Ça me réveille des souvenirs, des choses comme ça. Je pense à autre chose en ce moment. Mais c'est vrai que se projeter une société, et donc l'enfance dans cette société future, c'est important. Voilà, c'est, je ne rajoute pas. Juste du coup, pour relancer sur l'atelier, j'avais quelques petites choses à rebondir sur ce qui a été dit. Oui, par rapport à... Il y a quelqu'un qui a parlé tout à l'heure du fait que maintenant, ce qui... Enfin, il faut que je retrouve l'idée. Pourtant, j'avais écrite, mais je vais passer sur l'autre. Sur la propriété intellectuelle, en tout cas, chez les élèves. Alors, je sais plus qui est-ce qui a parlé de ça tout à l'heure, mais sur le fait que on apprend à l'école que l'idée qu'on a eue dans cette copie-là, eh ben, on va la noter parce que c'est la nôtre, alors que soit en fait on répète quelque chose qu'on a déjà appris, mais on le répète bien parce qu'on sait bien apprendre par cœur, soit on l'a eu dans notre famille, soit... Donc, ce qui serait très intéressant, il me semble, et aussi du coup, dans le devenir adulte également, c'est que déjà, enfant, on se rende compte que toutes les idées qu'on a, on les a parce qu'on vit dans un monde, parce qu'on vit dans une culture, qu'on puisse les remettre en cause ensemble et qu'on ne soit pas noté parce qu'on a eu cette idée-là avant l'autre. Voilà, mais justement que cette idée-là, on en fasse des débats. Et moi, j'avais beaucoup apprécié la proposition de Seb tout à l'heure qui était finalement qu'il faut quand même un système d'évaluation de la classe, mais dans le sens où le but des élèves dans une classe, ce serait de faire évoluer la classe. Et ça change quand même énormément de choses aussi dans la société derrière à construire. Et du coup, j'ai retrouvé l'autre truc par rapport à la classe politique où on disait, oui, les débats sur le burkini, tout ça, enfin, c'est ça qui intéresse les gens maintenant. Non, c'est que c'est la classe politique qui sert quand même d'exemple, malheureusement encore. Bon, bah, je crois que c'est vraiment en train de se dégrader, ça, hein, et heureusement, ça va plus le faire. Mais du coup, ils sont en train, enfin, d'une certaine façon, c'est eux qui mènent les réflexions, qui les orientent, dirons-nous, et qui les posent. Donc, l'éducation de la classe politique, là aussi, ce serait assez énorme comme travail. Bon, c'était juste pour relancer, voilà, sur le débat, et donc. Je prends les tours de parole. Allez-y, n'hésitez pas à intervenir, vraiment, même surtout les personnes qui ne sont pas encore intervenues. Oui. Voilà, là, ça va ? Oui, ça va. C'est bon, là ? Oui. Donc, enfin, c'est pas une question. Moi, il me semble, là, après vous avoir entendu un peu les uns les autres, il me semble quand même que si on veut rêver d'une société future, une société de demain, là, évidemment, vous le dites, vous l'avez dit, beaucoup l'ont dit, l'école est fondamentale, l'école joue un rôle fondamental. Et justement, il y a une question, justement, dans cette formation de l'école qui n'a peut-être pas été évoquée et qui me semble être fondamentale dans la société française aujourd'hui. Une question dont on hérite, si vous voulez, une question qui a provoqué des dégâts dont on hérite, aujourd'hui et qui dure depuis plus d'un siècle, c'est la question de l'altérité. C'est une question qu'on aborde très mal dans l'école. Et justement, apprendre aux enfants à être ce qu'est l'autre, c'est une question qui ne peut pas être résolue par les enfants eux-mêmes, ni à la limite par les parents eux-mêmes, mais par une véritable politique éducative où la question de l'altérité est prise en compte. On parle du choc des civilisations, mais le choc des civilisations, c'est le résultat du choc des ignorances, quand on ignore l'autre. Et malheureusement, quand je disais on subit aujourd'hui les conséquences de dégâts qui durent depuis la période coloniale, je pense plus particulièrement à Jules Ferry. Jules Ferry, il y a deux Jules Ferry. Il y a le Jules Ferry de l'école républicaine et il y a le Jules Ferry des colonies qui ne tiennent pas le même discours. Moi, je vous invite à regarder, à relire les textes de Jules Ferry, justement, dans les colonies. C'est autre chose. Et on est encore, les esprits, aujourd'hui, particulièrement en France, sont encore là-dedans. Il y a une transmission au niveau de la mémoire, on est encore là-dedans. Et si on ne sort pas de là-dedans, on ne s'en sortira pas. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est extrêmement fondamental. Et pour ça, il faut des politiques. Il faut des politiques qui puissent avoir le courage de le faire pour ne pas perpétuer justement le choc des ignorances dans lequel on est aujourd'hui. Parce que le vivre ensemble, c'est un mot vague, c'est un mot valise qui ne veut absolument rien dire. Voilà, merci. Merci à vous. Oui, n'hésitez pas vraiment, hein, tous ceux qui sont là, toutes celles qui sont là, à intervenir. Au contraire, apportez vos idées. Plus on est nombreux à discuter, à apporter des choses, plus ce sera constructif. Oui, je voulais préciser justement un petit truc que j'ai essayé de dire tout à l'heure et qui rejoint tout à fait les propos de monsieur et de Pierre et même de la dame. C'est sur la question je parlais de la Finlande et je pense que c'est un bon système à inventer dans une école future, que les choses partent de l'expérimentation, de l'exploration, avant de passer par la connaissance, quoi. C'est-à-dire que c'est dans le collectif que on explore la cuisine, la menuiserie, le bricolage, les bouts de pâte à modeler, et que c'est après seulement qu'on commence à se poser des questions, j'allais dire théoriques. C'est comme ça qu'ils font en Finlande, mais je trouve que c'est un système intéressant. Il se trouve que ces systèmes-là qu'on a mis en place fondamentalement, enfin qui se met en place fondamentalement pour moi sur la place de la République, c'est-à-dire qu'on est d'abord ici pour essayer de s'éduquer à une autre manière de faire et d'être. Et comme disait Pierre, on fait l'expérience tous les jours, l'expérimentation tous les jours du politique, dans le sens où on essaye en interne de favoriser l'expérience ensemble, quoi, et de s'apprendre à faire ensemble. Et là, en cela, l'idée du faire ensemble, du vivre ensemble, là, c'est pas du tout une idée pas concrète, c'est une idée très concrète et très pratique, quoi. Donc, partir du faire ensemble avec les enfants, c'est ce qu'on nous faisons, on essaye de faire sur la place avec toutes les difficultés que ça représente, puisqu'on reproduit tout ce qu'on voudrait retirer à la société, qu'on voudrait virer du système. On est compétitif, on est concurrentiel, on s'écoute pas, et ainsi de suite. Mais en tout cas, j'ai reprécisé mon idée, qui était effectivement de favoriser l'expérience, l'expérimentation en faisant ensemble, avant d'en arriver à la connaissance, quoi, et à des autorités théoriques, quoi. Et puis sinon, il y a une chose, mais ça me paraît évident, quoi, que vraiment définitivement, dans une autre école, tout échec qu'on appelle échec scolaire aujourd'hui, et qui est censé dire que c'est l'éducation qui est en échec, qu'effectivement ce ne soit jamais l'élève qui soit en échec, en tout cas. Que ce soit effectivement un échec de l'enseignement et des conneries qu'on fait, quoi. Oui, juste, je veux dire, je vais faire passer la boîte à dons. C'est juste pour nous permettre, en fait, d'acheter du matériel. On a une sono toute neuve, on est content, elle marche super bien. Voilà, donc pour nous permettre de continuer à acheter du matériel, si vous pouvez mettre un petit quelque chose, si vous pouvez pas, vous avez quand même le droit de rester, d'écouter et débattre, hein. C'est pas une obligation pour être sur la place. Mais du coup, je la fais circuler entre vous, hein, on se fait confiance. Si jamais il y en a un qui part avec en courant, bon, bah, il aura gagné sa soirée. Ouais, déjà, bon, moi je tiens à dire que il y a des très bonnes idées. Moi je note toutes les idées, donc il y a des très bonnes idées. Et je voulais rajouter que pour moi il y a un point qui est très important, c'est qu'il y a beaucoup d'élèves qui se découragent dans la scolarité ou qui ont honte de leurs résultats, tout simplement parce qu'ils interprètent mal les choses, ils comprennent pas trop ce qui se passe et ils se sentent rejetés du système. Et il faudrait pousser les gens à apprendre à se connaître, à apprendre à avoir. Que les élèves aient confiance en eux, qu'ils puissent se connaître individuellement pour trouver une place dans la société et comprendre pourquoi ils en sont là, qu'est-ce qui leur est arrivé, et vraiment que tous les élèves échangent sur leurs différences pour qu'ils apprennent à les accepter au lieu de se rejeter dès que quelqu'un, lui, est un peu différent de celui qui est à côté de moi, donc je vais pas lui parler, etc., etc. Tout ça, ça crée des gros troubles dans la société qui n'ont rien à faire là. Donc vraiment, favoriser l'échange positif. Voilà. Alors, pour rester dans l'idée pour les enfants, puisque c'est une chose qui est importante, la première des choses qu'on demande très souvent aux enfants, c'est qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard ? Ben, si on leur confie à eux le soin d'organiser leur cours. Si on trouvait une idée qui puisse, sous bien sûr la conduite de professeurs, parce que c'est à eux finalement de faire leur éducation. L'éducation qu'on donne par l'éducation nationale, c'est oui, certaines choses, il faudra apprendre le calcul et tout ce qu'on veut, mais il y a toujours un petit instinct politique qui va rentrer en ligne de compte et qui impose un certain système dans les écoles ou dans les endroits au fur et à mesure qu'on veut diriger les gens vers un système, soit l'ENA, soit différentes choses. Pourquoi ne pas demander à partir d'un certain âge ? Moi, j'ai trouvé que les enfants deviennent de plus en plus raisonnables. Ils en connaissent de plus en plus, plus que nous. Donc pourquoi ne pas leur poser ces questions au bon moment, à un âge qui soit possible ? Ou peut-être c'est eux qui peuvent répondre. Moi, je vois très bien un enfant dire « Oh, moi, je voudrais étudier la Lune ». Est-ce qu'on ne pourrait pas faire venir, comment il s'appelle là, le rêve qu'on voit tout le temps, pour qu'il m'explique exactement ça d'un peu plus près, et puis que d'autres enfants l'accompagnent s'ils sont dans le même désir. Il faudrait plutôt créer des des classes où ils vont se diriger vers quelque chose qui les intéresse. Enfin, moi, c'est une idée, je ne sais pas si elle est bonne, mais c'est un point de vue. Oui, est-ce qu'il y a... Allez-y. Je poserai juste une question. Est-ce qu'à force de dire que les élèves sont capables de s'instruire tout seuls, est-ce qu'on ne les rend pas incapables d'être instruits par d'autres ? En tout cas, c'est ça. Attendez. Non, mais parce que c'est quelque chose qui a été déjà. Enfin, quelque chose sur quoi on a rebondi tout à l'heure, qui était est-ce qu'il y a quand même des enseignements indispensables dans le sens, bah, par exemple, apprendre à compter, apprendre à lire, apprendre à écrire, apprendre la grammaire. Est-ce que ça, les élèves peuvent l'apprendre entre eux ? Ou est-ce qu'il faut, à un moment, qu'il y ait, sur certains savoirs, quand même quelqu'un qui soit en position de leur apprendre ? Donc, oui. Oui, bien sûr, mais je dis qu'à force de faire croire que les enfants sont le centre du monde, on a de plus en plus d'enfants qui sont incapables d'apprendre, parce qu'ils sont persuadés de tout savoir eux-mêmes. On a des enfants qui sont de plus en plus dans la toute-puissance, qui n'ont plus de limites et qui n'entendent plus rien. C'est-à-dire qu'ils sont persuadés qu'eux-mêmes peuvent faire tout et tout tout seul. Et donc, l'école, quelles que soient les méthodes, quels que soient les programmes, on a des élèves qui n'apprennent pas, qui ne peuvent pas apprendre. Et il me semble que pour devenir libre, il faut d'abord apprendre. C'est comme ça qu'on peut devenir libre, qu'on peut avoir un jugement libre et qu'on peut se débrouiller dans la vie. Non mais en tout cas, enfin, vous pointez aussi qu'il n'y a pas le travail sur soi aussi à l'école, qui permettrait peut-être de limiter ça. Mais je sais que c'est pas la même chose, c'est moi qui rajoute un truc en fait. Mais... Oui, et en fait, ce qui est très important dans ce que dit monsieur, c'est qu'il faut que les parents soient beaucoup plus impliqués dans la classe, dans l'école en général, et même présents dans les classes avec leurs enfants, parce que les classes sont importantes, pour moi l'école est importante. Je rebondis sur ce que vous dites, aussi bien la musique que la danse devraient également être inclus dans l'école, dans l'éducation. Et le parent a une fonction énorme, et je pense à mon fils, à moi, à 3 ans, qui m'a dit « Maman, qu'est-ce que le vent ?» J'étais infoutu de lui répondre. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que moi-même, j'aurais dû savoir comment répondre à cette question, qui est une question extrêmement philosophique finalement. Donc le parent devrait être beaucoup plus impliqué dans l'école, et même lui-même apprendre et recevoir l'enseignement en même temps. Oui, est-ce que d'autres personnes souhaitent rebondir du coup sur... alors là, c'est en plus, vous pas, enfin, c'est parti sur... Oui, je vous le donne tout de suite. Sur la question de la famille, en effet, qu'on n'a pas encore... alors après, c'est aussi délicat, c'est-à-dire est-ce qu'on voudrait quelque chose de spécifique dans l'éducation, dans les familles ? Ou pas du tout, mais c'est peut-être plus polémique, mais je vous invite à rentrer dans la polémique. Il me semble que la fonction d'enseignant est avant tout une fonction symbolique de père, et que pour que les enseignants soient dans la fonction symbolique de père, il faudrait que les parents les nomment dans cette fonction symbolique de père. Tant qu'on a des enseignants qui ne sont pas nommés dans cette fonction symbolique, ils peuvent bien dire tout ce qu'ils veulent, ils ne sont pas écoutés. Et donc, ça ne paye absolument pas. C'est ce qui fait qu'on a de plus en plus d'enfants qui n'ont aucune instruction, non pas parce qu'ils sont incapables, mais parce qu'ils ne suivent pas l'enseignement. Je voudrais dire que s'il faut bien sûr que les enseignants soient dans la fonction de père, il faudrait aussi que les hommes dans la famille soient dans la fonction de père, c'est-à-dire qu'on les nomme dans la fonction de père. Je dis bien dans la fonction symbolique de père. Je ne parle pas de rôle traditionnel. Quelle est la différence entre la fonction symbolique ? Eh bien, c'est, disons que la fonction symbolique de mère, d'abord, c'est de nommer un père, et la fonction symbolique de père, c'est de dire la loi. Et je dis bien de dire la loi, ce n'est pas de faire la loi comme certains pères pouvaient le faire avant. Quelqu'un souhaite rebondir là-dessus ? Parce que sinon je vais rebondir, mais bon, non. Hein. Alors peut-être que j'ai mal compris ce que vous avez dit, monsieur. Vous allez me dire si j'ai bien compris. Vous disiez que les parents nomment les enseignants ? Non, ah. Dans la fonction de père. On doit dire à l'enfant cet homme, c'est un enseignant, tu l'écoutes. Ah d'accord. Oui, oui, c'est assez psychanalytique. Tout simplement, ce que vous avez dit, moi, ça me fait énormément rebondir. J'ai fait partie pendant des années de la FCPE, j'ai eu 5 enfants. Et ce que je regrette beaucoup, c'est qu'on n'a pas réussi encore à créer des écoles de parents. Même quand ces pauvres mamans maintenant viennent accoucher, en 2 jours, elles doivent avoir tout appris, tout savoir tout avec leur nouveau-né. Zou, elles sont parents, mais on ne comprend pas qu'il faut du temps pour devenir parent. C'est Elisabeth Badinter qui le disait, c'est pas inné. Et ça s'apprend. Alors bien sûr, pas une école de parents, mais des lieux de discussion. Être parent, c'est souvent apprendre à résoudre des problèmes. C'est donner du sens à l'éducation qu'on veut donner aux enfants, c'est réfléchir. Ça s'accompagne. Et moi, quand je faisais partie de la FCPE sur Pontarlier, vers la Suisse, on faisait des réunions le soir, très cadrées, pour que ça corresponde aux parents qui travaillaient. Et on réfléchissait ensemble comment, ben justement, par rapport à des enfants qui avaient des problèmes à l'école, comment répondre à ces enfants, à ces parents très souvent dépassés. Et ce qui manque pour les parents, c'est des lieux où ils peuvent réfléchir à ce nouveau statut qu'ils ont. Alors, parents de jeunes enfants, puis parents d'adolescents, mais ça ne s'apprend jamais. Les parents, ils doivent tout savoir. Ce que vous avez dit, enfin, c'est fou, ça doit s'apprendre, ça doit se réfléchir. Moi, je veux bien répondre quelque chose sur la question. Donc, monsieur, si j'ai bien compris, disait que finalement, l'enseignant devrait être... quelque part avoir cette fonction du père qui dit la loi avec un grand L, hein. C'est ça. Alors ça dépend ce qu'on veut pour l'école, hein. Si on veut que l'école ce soit un endroit où les enfants ou les adultes ou qui que ce soit, enfants ou adultes, apprennent, et que le travail en commun à faire est d'apprendre quelque chose, par exemple apprendre l'espagnol, que c'est le travail à comment en faire, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on va construire quelque chose de commun, et là on n'est plus tout à fait dans la psychanalyse pure et dure où on dit il y a une fonction du père qui dit la loi avec un grand L et tout ça. Voilà. Alors après j'ai pas trop bossé ce truc-là, mais je suis pas forcément d'accord parce que quand on est dans un collectif, justement, si on voit l'éducation comme un groupe de travail plutôt que quelqu'un qui est là qui dit la loi. On est, je crois, dans ce que vous dites, sur le modèle de l'école d'aujourd'hui, c'est-à-dire il y a l'enseignant qui est là, qui remplace en gros le rôle du père, qui dit la loi c'est ça, ou bien est-ce qu'on veut une école où on a envie d'apprendre ensemble des choses, auquel cas il me semble, je suis pas un psychanalyste, mais il me semble qu'on n'est pas tout à fait dans le cadre où on dit que l'enseignant doit avoir le rôle du père, comme vous le dites. Ouais. Bah, c'est un peu plus technique peut-être, je sais pas. Je vous donne tout de suite la parole parce que je trouve ça très intéressant, puis c'est en rapport aussi à l'éducation et à la famille. Et je voulais aussi vous dire que si vous souhaitez que ce sujet-là soit développé, vous pouvez nous proposer une intervention là-dessus, parce que j'aimerais bien aussi débattre. Oui, dire la loi pour un enseignant, je constate qu'actuellement les enseignants ne disent plus rien, parce qu'ils ne feront pas dans la fonction de père. Et que ce sont éventuellement des papas qui sont dans un rôle maternel, ça, tout à fait d'accord, mais ils ne sont pas dans la fonction de père. Et la fonction de père, dire la loi, il me semble que c'est bien le travail d'un enseignant, parce que qu'est-ce que le calcul, qu'est-ce que la grammaire, qu'est-ce que l'orthographe, qu'est-ce que toutes les connaissances, si ce n'est la loi. Paris est là, ce n'est pas sur la Garonne, ce n'est pas en Amérique latine, c'est bien une loi. Et donc l'enseignant est là pour dire la loi. Ce n'est pas lui qui l'a fait, la loi, il ne fait que dire la loi qui existe. Je voudrais savoir juste un truc. Quand vous dites que l'enseignant doit dire la loi et que l'enfant doit l'écouter, vous voulez dire quoi? Que forcément on doit écouter et approuver direct ce qu'il dit, ou on doit... Parce que, je sais pas, à côté, il y en a d'un côté, on apprend la chose en écoutant et tout, mais après il n'y a pas de libre arbitre, quoi. C'est une fois qu'on connaît la loi qu'on peut la critiquer. Quand on ne la connaît pas, il est impossible de la critiquer. Actuellement, on n'a pas des enfants qui ne respectent pas la loi, on a des enfants qui sont hors la loi, dans le sens premier du terme, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas la loi. Comment voulez-vous qu'en ne connaissant pas la loi, ils puissent avoir un esprit critique? Ils sont incapables, étant de devenir adultes et de faire eux-mêmes, de réfléchir sur la loi et de l'intégrer. Juste pour, parce que les gens me font signe, fait tourner le micro, c'est, ça devient un dialogue. En effet, donc on peut encore rester un petit peu sur cette question si d'autres veulent rebondir là-dessus, parce que c'est quand même dans le thème. Mais vraiment, voilà, je t'invite, à, si tu le souhaites, venir faire une intervention là-dessus. On est là aussi le samedi et le dimanche. Et là, c'est un atelier où il n'y a pas d'intervenant, mais du coup, si tu veux venir nous présenter ça de façon un peu plus longue, tu viens nous voir après, et puis on te cale un créneau. Alors, monsieur, ensuite, il y a les deux personnes là-bas, et ensuite les autres. Et de toute façon, on arrive vers la fin, donc on pourra finir là-dessus. Ce que dit le monsieur par rapport à l'enseignant dans sa fonction de père. Non, j'attends que. Ce que dit le monsieur de l'enseignant dans sa fonction de père, moi, ça me fait penser au mot maître, c'est-à-dire maître, celui qui maîtrise. Bon, pour moi, c'est ça, la fonction de père. Mais bon, le monsieur n'a pas l'air d'accord. Mais pour moi, c'est celui qui maîtrise. Le père, il maîtrise ses enfants aussi. Ah. Non, non, c'est pas la peine. Moi aussi, là, ça m'est un peu sorti de la tête. Non, mais la conversation sur laquelle on est, elle est assez complexe. C'est la question de bah, c'est toujours l'histoire de l'autorité avec le maître ou le professeur qui doit avoir une position symbolique vis-à-vis des élèves. Et apparemment, ça fonctionne pas. Ce que dit monsieur aujourd'hui, ça ne fonctionne plus parce que les jeunes aujourd'hui, les élèves, ils sont plus demandeurs de cela. Mais je pense qu'en fait, si on aborde ce problème, il faut l'aborder en amont. Et c'est bien que la dame ait évoqué la question des parents. Je crois que le professeur, qu'il ait un statut symbolique de père ou de maître ou de quoi que ce soit, tant qu'il aura des gamins qui chez eux ne reçoivent pas un minimum de ne sont pas structurés par leurs parents qui eux-mêmes sont des produits d'une école qui commençait déjà à se déstructurer et à partir un peu dans tous les sens il y a déjà quelques décennies. Et puis ça continue, c'est-à-dire que les gens de ma génération qui n'ont peut-être pas eu tous un très bon passage par l'école et qui n'ont pas été très structurés à la fois par leurs parents ou par l'école, eh bien, on va avoir des enfants qui seront encore moins structurés et qui vont fournir encore plus de problèmes aux professeurs. Donc je pense que la question de l'autorité du maître à l'école et autres, c'est quelque chose qu'il faut traiter un peu en amont et qu'il faut traiter avec les parents, dans les familles. C'est pour ça que je pense que l'idée d'intégrer les familles à l'école est réellement une bonne chose. Une deuxième chose sur la question d'éducation, je pense qu'on n'en a pas parlé. Moi, ce que j'aimerais bien aussi, c'est qu'il y ait des thèmes que quand on parle d'éducation, on ne parle pas seulement de l'école aussi, qu'on parle, ou alors qu'on parle de choses qui sont laissées de côté par l'école. Moi, il y a quelque chose qui me pose problème, par exemple, c'est la question de l'éducation sexuelle. Je trouve que l'éducation sexuelle à l'école, c'est une catastrophe. Enfin, c'est une catastrophe quand il y en a. Et moi, ça me pose un problème parce que, alors je sais pas pour les générations d'aujourd'hui, mais mon éducation sexuelle, je me la suis fait tout seul avec mes copines. Apparemment, aujourd'hui, l'éducation sexuelle, elle se fait plus sur Internet. Est-ce que c'est pas quelque chose dont l'école, dont la société devrait se saisir ? J'avais une autre chose, mais je vais laisser la parole en fait. Écoute, Jeff, est-ce que tu as retrouvé ton idée ou t'attendras là? Ok. Comment on pourrait faire Oui. Que l'école soit plus une garderie, comment on peut associer vraiment et la nécessité d'associer. Quant à au mode d'éducation, là, on me dit l'éducation, le père. Déjà, on a des sociétés. On parlait, tu évoquais l'Éthiopie. Je pense qu'en plus là, dans la société africaine, on n'est même pas dans une notion de patriarcat. Enfin, on est dans une notion de patriarcat un peu différente, puisqu'on est dans la notion patrilinéaire, c'est-à-dire que finalement, on est dans un matriarcat par l'intermédiaire de l'oncle. Ça remet aussi en question même peut-être les symboliques qui sont les nôtres. D'ailleurs, ça pose problème à plein de gens quant au rapport au père, quoi, et à la figure du père que tu évoquais, quoi. Dans ces sociétés qu'on doit inventer, est-ce qu'il n'y a pas aussi là d'autres systèmes à inventer et à ne pas perpétrer dans l'éducation, comme le disait le camarade, oui. Ah bah le père. Et la père aussi. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure, du coup je m'étais auto-modéré, mais c'était un peu l'idée que, pour répondre aussi, enfin voilà, c'est vrai qu'à Nuit Debout, on essaye aussi pas mal de sortir de l'idée de la société patriarcale en s'appuyant sur d'autres sociétés d'Afrique qui fonctionnent différemment et dans lesquelles cette fonction du nom du père, je sais pas trop où est-ce qu'on la voit, mais... Alors, il y avait monsieur, vous et madame. Et puis après, je prends du coup les derniers tours de parole et puis ensuite on va clôturer, j'allais dire si vous êtes d'accord, mais si vous n'êtes pas d'accord aussi, hein, donc... Je ne pense pas comme vous. D'abord, je critique le monsieur. Excusez-moi. Je critique vos idées. Monsieur, il a des idées machistes, paternelles et puis autoritaires. Pourquoi ? Avec le système autorité, d'abord, on ne peut rien régler. On sait très bien le résultat. Une catégorie qu'on attaque beaucoup en France, les enseignants, les professeurs. Vous pouvez dire c'est un métier, finalement ça devient comme un métier, mais une catégorie qui s'est attaquée par le ministre de l'Éducation nationale, par l'État, par l'autre partie de la société. On sait très bien qu'ils ont un métier très dur dans la plupart de l'école. D'ailleurs, ils n'ont aucune autorité naturelle, symbolique même, parce que pourquoi ? Ils sont insultés par les élèves, par les parents de les élèves. Ce qui est la vérité, c'est un système éducatif qui est complètement pourri, dégénéré, dépassé, soit en France, soit ailleurs, dans tous les pays de la planète. Tout à l'heure, madame, elle a parlé sur le choc de civilisation et ignorance. L'ignorance, naturellement, quand on est, bien sûr, on n'est pas sociable, on n'est pas cultivé. On peut dire sur le plan biologique, on est un animal. Avec l'éducation, sociabilisation, qu'on devient l'homme. Mais il ne faut pas oublier, les dernières 40, 50 ou 60 années, dans le centre grande capitale, ils ont créé une stratégie. Comment les gens, ils peuvent... devenir ignorant, comment il peut déshumaniser, comment il peut devenir inculte. Je vous donne deux petits exemples. Dans les universités du Japon, ils ont pris décision d'enlever toutes les sciences sociales. Mais si on enlevait les sciences sociales, sociologie, philosophie, les autres sciences, ça reste quoi? Ça reste rien. On peut créer un culte qui travaille pour l'économie, un japonais sauvage, qui devient une petite partie de la multinationale japonaise. En France, on fait quoi? On efface la langue latine. Pourquoi on dit c'est inutile? Ben, pourtant, la merde, langue française, comment ça peut être inutile? Ça ne peut pas être inutile. Et ben, finalement, le débat est long, mais on peut enrichir le débat. Par exemple, à la place de créer un système abstrait d'éducation. On parle par exemple de géographie. Quand on parle de géographie territoriale, géographie sociale, à la place de que les élèves apprennent théoriquement, on peut mettre l'argent. Quand on parle par exemple sud de la France, mais finalement c'est abstrait, tu vois, sur les livres, comme M. Tital, il a dit Paris. Il y a les gens qui n'ont pas vu Paris. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On peut amener les élèves en sud de la France. On peut rester un mois là-bas, il peut apprendre sur place. Ça ne peut pas être abstrait. Et puis ça donne envie d'apprendre. Quand on parle l'Afrique, on peut faire la même chose. Tout ça, c'est possible. Mais, question, finalement, ça vient de l'économie. Dans le budget, on met quoi dans le système éducation? On sait très bien que dans tous les pays du planète, on domine dans le système de la santé, système d'éducation. Pourquoi les multinationales, ils n'ont pas besoin les gens qui pensent comme un humain, les gens qui sont cultivés, les gens qui éduquent. Alors, pour ça, un culte qui se développe, C'est pas une affaire de comment les parrains de les élèves, dans le plupart cas de toute façon, nos parrains. Peut-être ma mère par exemple, elle ne savait pas pauvre à lire et à écrire. Si on parle à beaucoup français, françaises, qu'ils viennent de la Provence, c'était quoi leur éducation de leurs parrains? Ils ont peut-être allé à l'école primaire où ils ont vu une éducation de l'église. Voilà, les filles elles n'ont aucun droit. Être quelque chose, c'est normal. Exploiter les gens, c'est normal. Un système qui est déjà hors de la loi, les dirigeants qui sont hors de la loi, alors comment on peut dire à les élèves, il faut que vous respectiez les lois. Un président qui il est dans le magot, il se présente deuxième fois. Et alors, on ne peut pas donner les leçons à les autres. À mon avis. Oui, allez-y. Alors c'est juste pour répondre à monsieur qui n'a pas du tout compris ce que j'ai voulu dire, parce que un élève ou quelqu'un qui demande à apprendre, c'est pas quelqu'un qui veut imposer quelque chose, c'est au contraire, il demande à apprendre. Vous avez eu l'air de dire qu'au contraire, les enfants disent tout. Non, il y en a qui veulent apprendre, c'est justement les amener. Ben... Bon, aujourd'hui, oui, mais monsieur, peut-être que c'est ça qu'il faut revoir. Il fut un temps où il y avait des classes à 18 personnes, à 20 personnes, et c'est tout. Bon, mais moi, ce que j'essaye simplement de vous dire, que j'ai apporté, si vous voulez, une idée possible. Je ne dis pas que je détiens la vérité, mais qu'il ne faut pas venir dire que les gosses imposent tout ce qu'ils veulent. C'est faux. Il y a des gosses qui veulent apprendre. Il y a des gosses... Bon, il faut les diriger vers ce sens-là. Mais qu'ils soient... Ils sont quand même contrôlés. Ils sont quand même surveillés. Ils ont des professeurs au-dessus de leur tête. Et je pense que ça doit être d'un commun accord qui devrait être proposé. L'éducation à l'éducation nationale qui devrait leur transmettre, c'est à l'ensemble de la base justement, quitte même à avoir des idées des enfants, je suis persuadé qu'elles seraient très intéressantes. Ok, donc je prends donc les 5 derniers tours de parole, 1, 2, 3, 4, 5, et puis après on se arrêtera. Du coup, je voulais rebondir sur l'histoire de l'éducation sexuelle, parce que actuellement bah, j'ai 17 ans, je suis en première, donc... Je veux dire, on a eu une fois en quatrième en SVT un cours et une fois en troisième. Déjà, on parle juste des moyens de se protéger, mais c'est tout. On parle rien de plus. Ils parlent pas de tout ce qui est. On parle forcément d'hétérosexualité. Donc, par exemple, tous ceux qui sont homosexuels, bi, etc. Bah, ils se sentent pas identifiés. Ils savent pas forcément. Puis même, faudrait au sens plus large éduquer les gens sur. Enfin, sur les relations affectives, les relations avec les autres et tout, parce que on sait pas comment on se comporte avec les autres, quoi. Oui, enfin, au moins favoriser le partage d'expériences là-dessus, du coup, et le débat. Alors, c'était vous. Oui, moi, je vais rebondir avec les... Comme ça. Je suis enseignante, donc vous aussi. Et vous étiez enseignant, d'accord. L'autorité, non, c'est un métier difficile, c'est pas facile, mais on a beaucoup de plaisir. C'est difficile parce qu'on est confronté à la violence de la société, en fait, à la misère sociale, aux difficultés que rencontrent les gens et a fortiori leurs enfants. Moi, l'autorité verticale, comme ça, ça marche pas, ça n'a jamais marché d'être... Il faut vraiment avoir une main de fer dans un gant de velours, il faut vraiment... Pardon ? Il faut vraiment être dans un échange, dans un dialogue constant. Ce qui est difficile aujourd'hui, moi, au-delà des problèmes d'autorité, c'est tout ce que la société génère et qu'on retrouve chez nos élèves. Je trouve que ça, c'est compliqué pour nous, enseignants. Ce qui est dur, c'est ça va être l'addiction au téléphone, ça va être toutes ces choses qui les divertissent et qui les éloignent d'apprendre, en fait, de l'apprentissage. Alors, je n'ai pas grand-chose à dire, mais... Merci. Oui, bonsoir à tous. L'idée de l'enseignement et des élèves, il y a un changement depuis quelques décennies. L'enseignant avait une vocation. Ce n'est pas une critique vis-à-vis des enseignants, mais beaucoup plus, il y a quelques décennies, l'enseignant avait une vocation, avait une sorte d'acerdoce. Aujourd'hui, malheureusement, il y a un peu moins. Et la qualité d'enseigner telle ou telle chose ou une variété de choses, elle est d'abord doit tenir compte d'une réalité. La société française a changé depuis quelques décennies. On veut apporter un enseignement d'une façon uniforme, telle que l'armée. Or, enseigner, c'est tenir compte des particularités. Et pourquoi c'est important de tenir tenir compte des particularités? Ce sont les citoyens et citoyennes de demain qui vont pouvoir regarder les autres d'une autre manière par rapport à nos jours. Je m'explique. Vivre ensemble, c'est pas être uniforme. C'est pas l'armée avoir le même uniforme. C'est être ensemble dans sa différence. Et la France, à mon avis, elle a un passé qui est lourd dans son histoire. Et elle me donne l'impression de vouloir, à un moment donné, cacher une partie de son histoire. Et le drame vient de là. On a une partie de la jeunesse de France qui sont nés en France, qui sont ignorés des politiques. Pourquoi, par exemple, si on veut enseigner l'histoire, je m'arrête là simplement à un exemple d'histoire. Enseigner l'histoire de France, c'est aussi inclure son passé. Le problème de l'esclavage, le problème de la colonisation. Quand vous avez un élève qui est différent vis-à-vis d'un adulte qui vient d'Afrique, c'est comme ça. Parler de son histoire, qui quelquefois et souvent, elle est incluse dans l'histoire de France, c'est le valoriser, c'est le faire accepter dans la société de demain. Si on ne réfléchit pas sur ces choses-là à long terme, je pense, à mon avis, quelle que soit la qualité de l'enseignant, sa pertinence, son savoir, nous ne pourrons pas évoluer. Et aujourd'hui, nous sommes sur un fil de rasoir où il nous faut repenser autrement la manière, d'une part, d'enseigner et aussi le regard de l'autre futur, dans 18 ans, 20 ans. Parce que les enfants à la maternelle, ils ne se font aucune différence. Ils poseront peut-être une question, une fois, de dire oui, pourquoi il est noir. Quand on lui donne une question raisonnée, sensée, naturelle, tout à fait simplement, il ne reposera pas une deuxième fois la question. Et par rapport à c'est des sujets très importants et que malheureusement, ils vont de plus en plus être saignants, agressifs avec les futurs présidentielles que nous attendons. Voilà, merci de m'avoir écouté. Il me semble que nous sommes dans une société qui adore de plus en plus la fusion. Et vous savez qu'en espagnol, avec fusion, ça se dit confusion. Effectivement, la fusion et la confusion, ça va très souvent ensemble. Un exemple de confusion, eh bien, c'est ce qu'a dit monsieur, c'est-à-dire une grande confusion qui est faite entre l'autoritarisme et l'autorité. Et parce qu'on rejette à juste titre l'autoritarisme, on en arrive à rejeter, à ne plus vouloir d'autorité. De la même façon, il y a une confusion entre la critique de certaines idéologies féminismes et le machisme. Effectivement, je critique certaines idéologies féministes parce que je pense que certaines féministes se trompent, je le pense. Je peux me tromper, mais j'ai des arguments et je les donne. Et certaines féministes en face de moi, très souvent, n'acceptent même pas de concevoir qu'elles puissent se tromper. Donc, parce que je critique certaines idéologies féministes, on me considère comme un macho et un réactionnaire. Vous voyez jusqu'où ça peut aller. Donc, tant qu'on en est dans ces confusions, c'est sûr, on risque d'être assez mal à l'aise dans l'éducation des enfants. Parce que l'éducation des enfants, je suis d'accord avec vous, ça ne doit pas s'imposer avec la baguette, certainement. Mais l'autorité, c'est quelque chose qui doit s'écouter. Une autorité, un enfant doit écouter l'autorité. C'est simplement après, une fois qu'il aura écouté, qu'il pourra avoir un esprit critique. S'il n'écoute pas dès le départ, je vois mal comment il peut critiquer ce qu'il n'a pas. Merci. Bonsoir à tous. Juste, je voulais venir le même chose qui est lié des enfants. Un enfant, il va éduquer où en fourmière? En fourmière à la maison. Ses parents qui va éduquer pour venir à l'école. Et là, la suite, il va grandir. À l'école, on apprend, oui, on apprend toujours à l'école. Mais en fourmière, on apprend tout à la maison. Et là, ceux qui sont en bas, éduqués. Éducation, ça vient d'où? Ses parents, mes parents, notre parents. C'est où qui apprend? On va y aller où? C'est ça que je voulais dire, que depuis tout à l'heure, ça fait 2 heures que je suis à temps, j'écoute. Pour un enfant, c'est très important, ses enfants, ses parents. Ses parents qui vont envoyer où je vais. C'est ça que je voulais dire. C'est pour ça, très important pour un enfant, c'est le parent. À l'école, on va apprendre tous les jours. Mais le pop et le professeur, ils ne vont rien faire. C'est notre parent qui va apprendre, on va aller où, on va éduquer où, on va éduquer si où, on va respecter. Pardon. C'est pour ça que je veux dire que pour un enfant, très important, c'est ses enfants, ses parents. C'est tout. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à toi, merci à toutes et à tous. Je suis à la fin d'un spectacle, c'est marrant. non, alors j'ai quelques petites choses à vous dire avant que vous partiez. Donc la première chose, c'est que du coup, on refait, donc on continue l'atelier vendredi prochain, pareil, 18h à 20h. On va rester du coup sur le thème qu'on a commencé aujourd'hui parce qu'on a déblayé pas mal de choses, mais je pense que pour rentrer plus profondément dans certains points, ce sera important et surtout pour la fonction première de l'atelier, faire des propositions dans la société qu'on veut. Donc là, mais c'est normal qu'il y ait des débats avant qu'on fasse des propositions, heureusement, parce que sinon, ça ferait longtemps que la société, on l'aurait déjà. Donc du coup, on va repartir là-dessus la semaine prochaine. Donc voilà, venez dès 18h, on va partir de l'heure à laquelle vous pouvez venir. Le deuxième point, c'est que du coup, il y a pas mal de sujets qui ont été abordés, comme voilà monsieur, par rapport à la fonction symbolique du père, il y a aussi eu par rapport à l'école de Montessori. Donc j'invite vraiment toutes les personnes qui ne peuvent pas du coup développer leur pensée dans le cadre de cet atelier, de nous proposer de faire une intervention là-dessus, comme ça on pourra la développer pendant une heure, et ensuite à la mettre en lien aussi avec l'atelier. Donc comme ça, ça permet vraiment voilà de pouvoir évoluer tous dans notre pensée et d'avoir des choses concrètes. Troisième chose, demain, on sera pas sur la place à Debout Éducation Populaire parce qu'on vous propose une balade historique, une visite historique. Donc c'est Aurore qui nous propose une visite historique sur les émeutes et les révoltes au cours des siècles à Paris. Donc bien entendu, c'est gratuit comme toutes les activités à Debout Éducation Populaire. Il y a deux points de départ, soit ici à 14h30, on se retrouve ici, bon bah on aura des petits panneaux, des affichages, un mégaphone pour dire coucou, on est là, donc pour que vous nous retrouviez, et sinon on sera ici de toute façon. Et pour ceux qui veulent arriver directement, la balade part de Saint-Michel à 15h. Donc soit vous nous rejoignez ici à 14h30, soit vous nous rejoignez à Saint-Michel à 15h. C'est une balade de 2h en tout. C'est où Saint-Michel? Alors c'est où à Saint-Michel? Je ne sais pas, donc sortez du métro et on fera du bruit. Voilà. On fera du bruit, puis vous verrez, on sera à peu près les seuls à être de super bonne humeur, vous allez tout de suite nous repérer. Donc voilà, et donc du coup, tout ça, l'autre chose, oui, parce que là pour la rentrée, on a quand même besoin d'aide pour l'organisation, donc ça peut être aller chercher le matériel une heure avant pour s'installer ici, ça peut être faire une heure de modération, ça peut être dans toutes les activités qu'on propose, on a quand même besoin d'un peu d'aide. Donc s'il y a des gens qui ont envie d'y participer avec nous, voilà, on est tous rentrés dedans comme ça par hasard, hein, personne n'a fait de l'éducation populaire avant, donc il n'y a pas besoin d'avoir quelconque compétence comme pour participer au débat, vous pouvez faire partie de l'orga. Voilà. Et la dernière chose, et après vraiment j'ai fini, hein, c'est qu'il y a une AG de coordination là-bas sur la suite de mouvements voilà, Nuit Debout, et donc ils vont discuter de ce qui va se faire dans les prochains jours. Donc voilà, tout le monde est bienvenu pour y aller, pour participer et débattre avec les personnes qui sont assises là-bas en petits groupes, même si elles n'ont pas une sono qui déchire comme la nôtre. Voilà, merci beaucoup.